Le premier conseil, c'est évidemment la climatisation. Il faut savoir qu'elle est efficace lorsque les gaz ont été relativement bien rechargés. S'il n'y a plus de gaz, il peut y avoir une panne, celle du compresseur de climatisation sur la route. C'est plus de 1000 euros la plupart du temps de réparation sur le véhicule. La bonne idée, évidemment, c'est lors des pauses. Laisser les fenêtres ouvertes, ça évitera l'effet four qu'on connaît tous lorsque l'on revient dans notre voiture. Les vitres teintées sont aussi évidemment d'une efficacité redoutable pour conserver un peu de fraîcheur à l'intérieur du véhicule. C'est une bonne chose pour réduire les températures dans l'habitacle. Et info trafic sur RMC à partir de 10h. Le pot de lait n'aura pas eu raison du pot de fer. Les agriculteurs mobilisés contre Lactalis depuis lundi vont cesser temporairement leur combat. Hier soir, la FDSEA de la Mayenne a appelé les agriculteurs à rentrer dans leur ferme. Mais pour Jérémy Trémaud, des jeunes agriculteurs, il ne s'agit que de suspendre leur action. On a levé donc notre manifestation sur le rond-point parce que vu l'écart qu'il y a entre les deux parties, tenir encore 3 ou 4 jours de plus n'aurait servi à rien. Aujourd'hui, Lactalis ne veut rien céder, ne veut rien savoir. On avait envisagé de tenir le camp parce qu'on pensait que les négociations avanceraient. Que nos éleveurs ne soient pas inquiets, on ne va pas laisser tomber et il va falloir qu'à un moment donné, on trouve un accord quand même. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, on se remet en ordre de marche. Jérémy Trémaud, joint par Anaïs Buiccia. Journée de deuil national en Italie. Après le tremblement de terre de mercredi, les obsèques d'une trentaine de victimes seront célébrées ce matin en présence du président italien et du président du conseil, Matteo Renzi. Un recueillement qui ne fait pas oublier la polémique sur la solidité des constructions. Marie Régnier est l'envoyée spéciale d'RMC en Italie. Marie, les rescapés s'interrogent sur le respect des normes antisismiques. Nous rencontrons Christina dans un camp de rescapés, sous un soleil de plomb, elle erre entre les tentes. Elle n'a plus nulle part où aller, sa petite maison en pierre n'est plus qu'une ruine. J'ai travaillé dur pendant des années pour m'acheter cette maison, il n'y a plus rien, c'est fini. Je suis en colère parce que c'est vrai qu'il y avait des rumeurs dans le village comme quoi il fallait renforcer les maisons à cause des séismes. Mais c'était des rumeurs, les autorités ou le maire, personne ne nous a jamais avertis. Dans cette zone pourtant très à risque, les structures des vieilles maisons ne sont donc pas renforcées. Le chef des secouristes de la région le regrette. Nous, on le sait qu'il faut être intraitable sur les normes antisismiques. D'autres pays y arrivent très bien, pas nous. Et le problème ici, il est politique. Rien n'est fait ou toujours trop tard. La justice italienne s'est d'ailleurs saisie de 2 cas, une école et un clocher d'église qui se sont effondrés la nuit du séisme. Ils étaient pourtant censés avoir été mis aux normes très récemment. Le procureur, qui suspecte des malversations, a ouvert une enquête. Le reportage RMC de Marie Régnier en Italie. En football, enfin, une victoire pour les Marseillais. La première de la saison, c'était face à Lorient hier soir. Résultat 2-0. But de Cabella et de Gomis. Bafé Gomis, la nouvelle recrue, a donc inscrit son premier but pour l'OM. Depuis que je suis arrivé à Marseille, les supporters m'ont donné une grande marque de confiance. Même si ça reste un sport collectif, ça fait toujours plaisir. Même si je peux pas tout faire tout seul, mais c'est important de marquer ce but qui nous met à l'abri et qui nous laisse terminer ce match plus sereinement. Je voulais combiner ça avec mon premier but avec mes supporters, mais j'espère que j'aurai la chance d'en marquer d'autres. Bafé Gomis avec Florent Germain. Thierry Henry, chez les Diables Rouges, l'ancien attaquant des Bleus, devient le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de Belgique. L'occasion de se lancer dans le grand bain, Vincent Delcazo. Oui, dans un premier temps, il s'était occupé des moins de 16 ans d'Arsenal pour passer un diplôme d'entraîneur. Le poste d'adjoint de la catégorie supérieure lui a même été proposé, à condition alors d'arrêter un rôle de consultant qu'Arsène Wenger jugeait incompatible, car trop critique envers le club. Thierry Henry a donc décidé de rebondir avec la Belgique, où son poste sera toutefois bien défini. Deuxième adjoint du nouveau sélectionneur Roberto Martinez, il sera chargé de superviser les internationaux qui jouent en Angleterre. Hazard, Courtois, De Bruyne, Fellaini, la liste est longue. 16 des 25 joueurs sélectionnés évoluent en Première Ligue. Son profil lui permettra aussi de tirer le meilleur de l'armada offensive belge. Première sur le banc des Diables Rouges pour Thierry Henry le 1er septembre prochain contre l'Espagne. Les explications de Vincent Delzesco. Les dieux du stade de retour de Rio. 27 médaillés des JO seront au meeting d'athlétisme de Paris et au Stade de France ce soir, mais seuls 30 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes. Ce qui désole Kevin Mayer, le vice-champion olympique du décathlon. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à remplir le Stade de France. Je trouve ça un peu triste pour l'athlétisme, surtout après le résultat qu'on a réussi à faire aux Jeux Olympiques. J'espérais un peu plus de présence des Français dans ce stade. Après, peut-être qu'ils sont en vacances ou peut-être qu'ils n'ont pas le temps, je ne sais pas, mais Mais c'est un peu dommage. Kevin Mayer au micro, RMC de Maureen Lehoux. RMC, il est 8h08 tout de suite. Les pronostics avec vous, François Sorel. Et un tiers écarté quinté plus cet après-midi à Deauville. Donc Claire, Sébastien Darras nous conseille pour cet après-midi le 13, la Courbette et le 5, Tisvi. Brahim Asloum, lui, mise tout sur le 10, Spring Princess. Et Laurent Guédard retient l'As High School Days et le 8, Grit Dora. Le 13, le 5, le 10, l'As et le 8. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportifs, Paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Le retour du week-end des experts donc, et après le jardin place à la maison, 2 heures dédiées au bricolage à la maison, à la déco, vous le savez, c'est un rendez-vous unique, exclusif RMC. Chaque samedi 8-10, c'est avec Christian Pesset. Bonjour Christian. Bonjour mon cher François. Voilà, c'est la rentrée de Kiki. Eh oui. Vous avez passé de bonnes vacances? Alors, très bonnes vacances. Bon, voilà, Sospel dans le sud. Sospel, un petit peu d'Italie aussi, c'est pas loin. Hein. Et puis là, la côte est très belle aussi, et là, ça a été très ensoleillé. Et puis j'ai fait un petit peu de Bretagne au début, là, mais c'était un petit peu... C'était tout aussi en folie C'était la période qui n'était pas terrible, mais enfin, c'était sympa, dans le golfe du Morbihan, donc très beau pays. Christian, on va prendre de bonnes résolutions pour cette rentrée. Bon, déjà, répondre à toutes les questions des auditeurs, mais ça c'est une résolution qu'on a depuis de nombreuses années. Mais en revanche, la bonne résolution, c'est peut-être de changer son intérieur, là, tiens. Oui, on va commencer par ça. Avant la rentrée, c'est vrai que là, on est peut-être rentré de vacances, on a quelques jours de vacances encore devant soi. Si on en profitait pour aller, pourquoi pas refaire les peintures, bouger les meubles, changer notre quotidien, en fait. Je sais pas si c'est encore le cas, peut-être les auditeurs nous le diront, mais autrefois, c'était une habitude, véritablement, habitude populaire, que notamment à Paris, que de conserver quelques jours de vacances, de consacrer ces derniers jours de vacances à la pose du papier peint, aux peintures. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de papier peint, il y en a beaucoup moins maintenant. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant. Donc, on va avoir différents invités qui vont pouvoir nous parler notamment de l'association des couleurs, des textiles. Est-ce qu'il faut faire des dégradés, des camailleux? Mais on va parler technique aussi, parce que c'est important. Préparation des murs, enduit décoratif. Il y a de nouveaux enduits extrêmement faciles à appliquer. Et puis, la plaque de plâtre qui représente aujourd'hui pratiquement 80% des murs de nos maisons. Enfin, en tout cas, des maisons récentes. Oui. Et ça pose des problèmes, parce que il faut savoir comment traiter les joints, est-ce qu'il faut préparer les plaques. Et puis on parlera d'une grande nouveauté, que sont les plaques prédécorées Ikebana, donc de chez Placo. On pourra en parler très abondamment avec notre invité. Et puis on aura aussi une journaliste décoratrice avec nous. Et puis donc dès maintenant le 32-16, hein, si vous avez envie de faire quelques petits travaux de déco à la maison avant la rentrée, 32-16 ou maison@rmc.fr par mail, ça marche aussi. Et puis bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco dès maintenant, hein, vous pouvez nous appeler, vous le savez, on vous attend, on a envie de vous entendre ce matin, ça y est, c'est la rentrée et forcément vous avez des questions pour nous. On commence tout de suite, tiens, avec une petite question par mail. Eh bien, allons-y. Christian, on y va, et c'est la question de Jeanne qu'on a reçue, donc maison@rmc.fr. Le robinet situé en dessous de notre cumulus goûte sans arrêt, Christian. Oui. Je crois que chez moi aussi. Oui. Est-ce qu'il faut le changer? Alors, est-ce qu'il faut le changer, le cumulus ou le robinet? Eh ben, les deux peut-être. Les deux peut-être. Mais, ou est-ce que c'est normal? Alors, en fin de compte, oui, c'est un robinet, si l'on veut, puisqu'il a cette fonction. C'est le groupe de sécurité qui, en dessous du cumulus, entre guillemets, qui est devenu un nom générique, mais en fait, c'est, oui, c'est le nom pour un ballon d'eau chaude. Un ballon d'eau chaude pour désigner donc les chauffe-eau électriques à accumulation. Alors, quelle est la fonction de ce groupe? Eh bien, elle est multiple. Elle est permettre l'arrivée d'eau, donc en cela c'est un robinet. Elle permet aussi la vidange de la cuve, en cela c'est aussi un robinet. Et puis il y a une soupape de sécurité. Pourquoi? Eh bien, parce que selon les lois de la physique, lorsqu'on chauffe de l'eau, eh bien l'eau augmente de volume, et donc il se passe à ce moment-là un phénomène de surpression, et il faut bien que cette surpression s'évacue quelque part, d'où cette fonction de soupape de sécurité et d'évacuation de l'eau, c'est justement ces gouttes que vous voyez s'écouler. Ça peut même arriver à faire un filet d'eau. C'est pourquoi, en général, il est recommandé de raccorder ce groupe de sécurité à l'évacuation générale des eaux. Et là, en principe, vous n'en apercevez pas. C'est si ça n'est pas raccordé que vous apercevez bien que sûr. Ça goutte. Oui, oui. Et c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas là à s'inquiéter. Sauf si, évidemment, ça devenait les grandes eaux. Si c'était les fontaines de Versailles, il faudrait peut-être arriver à commencer à faire quelque chose. Pourquoi ça goûte? Eh bien justement parce que la pression augmentant dans la cuve, il faut que l'eau s'évacue, sinon la cuve éclaterait. Et en revanche, si la densité de l'eau, bien sûr. Ouais. Donc le phénomène est tout à fait physique et naturel. C'est si ça ne goûtait pas du tout que on pourrait peut-être au contraire s'inquiéter. Alors la question c'est que ce groupe de sécurité, alors faut faire attention à une chose, c'est que normalement quand on installe un chauffe-eau neuf, eh bien on va dire que tous les mois, tous les deux mois maximum, mais si on ne peut tous les mois, on manœuvre la robinetterie de ce groupe de sécurité. C'est-à-dire on fait couler un peu d'eau, on referme un peu l'entrée. Pourquoi ? Eh bien parce que si on ne le fait pas, et en général on ne le fait pas, eh bien on va arriver à un moment où lorsqu'on va le faire, eh bien du calcaire va descendre de la cuve et se mettre au niveau du siège du robinet. Donc ça va boucher. Et là, ça va l'obstruer un petit peu. D'accord. Et là, pour le coup, ça va se mettre à goûter, mais ça va plus être le phénomène normal de la soupape de sécurité. Ça va être tout simplement le robinet de vidange qui ne ferme pas. Donc, je serais tenté de dire, si vous avez un chauffe-eau ou sur lequel vous ne l'avez jamais fait, c'est-à-dire ce geste de vidange, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous avez toutes les chances que le robinet ne se referme pas et vous serez obligé de changer le groupe de sécurité, ce qui n'est pas un remplacement phénoménal. Mais donc, entretien régulier, faites-le tous les mois. Si vous ne l'avez jamais fait, eh bien abstenez-vous. On parle de ballon d'eau chaude. C'est un appareil qui peut avoir une durée de vie de combien d'années? Parce que c'est vrai que typiquement, en plus, tout dépend des régions. C'est extrêmement variable. Tout dépend de la qualité de l'eau C'est extrêmement variable. Si je vous dis que on parlait de Sospel tout à l'heure, alors je ne suis pas là toute l'année. Le robinet, évidemment, le chauffe-eau ne marche pas toute l'année. Savez-vous quel âge a mon chauffe-eau? Oula, votre âge? Non, il a 35 ans. 35 ans? Et il marche parfaitement. Ah ouais. Donc ça veut dire que, alors encore une fois, il n'est pas utilisé toute l'année. Mais globalement, je dirais entre 5 et 10 ans, en général, ça ne pose jamais de problème. Jamais de problème. Ça ne doit pas en poser. Si ça en pose, c'est qu'il y a un problème, effectivement, que l'eau est peut-être trop calcaire. Et là, parce qu'on imagine que si l'eau est trop calcaire, ça va limiter sa durée de vie, c'est ça? Ça dépend, parce que ça dépend aussi du système. Si on est avec une résistance plongeante ou avec des systèmes qui aujourd'hui permettent d'éviter justement que la résistance s'entarte, mais très souvent c'est bien l'inverse. C'est plutôt les eaux agressives, c'est-à-dire les eaux trop douces, qui percent la cuve. Ah oui, ouais. D'accord. C'est plus une eau trop douce qui est l'ennemie du chauffe-eau qu'une eau trop calcaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Christian, on va revenir dans un instant, il est 8h16. Je vous rappelle que nous sommes en direct dans ce rendez-vous maison et que, bien sûr, vous pouvez, dès maintenant, nous appeler au 3216 pour poser vos questions. Bricolage Maison Déco, Christian Pessé. Et là, pour ça, le 3216, si on parlait de chauffe-eau, est-ce que, peut-être que vous rencontrez des problèmes concernant le chauffe-eau. Si vous voulez témoigner ce matin, le 3216, maison@rmc.fr. On est là dans une minute. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Aujourd'hui à 14h, les qualifs, et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Tiens, Noël tombe à 26. Ah oui? Oh, et aussi à 27. Vendredi 26 et samedi 27 août, Intermarché vous offre 15€ en bon d'achat valable sur tout le magasin. Vive l'été chez Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Offre soumise à condition à partir d'un montant d'achat différent selon les magasins participants, voire modalité à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Hors presse, gaz, livre et carburant. Le zéro, ça vient des Grecs, non? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute là? En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 €, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Imaginez si tout était blanc. Mur blanc, sol blanc, meuble blanc, blanc, blanc. Quel ennui! Heureusement, chez Saint-Maclou, les couleurs se déclinent partout. Sur les rideaux, papier peint, store, vinyle, moquette, parquet. Et en plus, en ce moment, bénéficiez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat. 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat, jusqu'à lundi seulement, chez Saint-Maclou. Offre valable du 25 au 29 août, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac, rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ah, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. C'est ici et c'est nulle part ailleurs, ce rendez-vous exclusif dédié à la maison, chaque samedi sur RMC, 8h-10h, le bricolage, la maison, la déco, toutes vos questions en direct avec notre expert Christian Pesset. Je vous rappelle que tout à l'heure on va parler de déco de rentrée. Préparer les murs, traiter la plaque de plâtre, peindre ou pourquoi pas appliquer un enduit aussi, hein, ça peut être sympa de changer un petit peu l'aspect de sa maison. Si vous avez des questions sur ce sujet, le 3216 ou maison@rmc.fr, ça sera à partir de 9h, mais d'ici là, bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco, le numéro, vous le connaissez, c'est le 3216. On accueille Marc tout de suite. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour Marc. Bienvenue Marc. Merci de prendre mon appel. Voilà, j'ai un crépi, si vous voulez, dans un salon assez grossier. Oui. Assez épais et qui a été recouvert il y a quelque temps par une espèce de patine. Voilà. Oui, par enduit ciré, quoi. Ça, c'est. Voilà. Alors, il y a d'abord eu les enduits des années 80, qui étaient les enduits gratte-coude, vous savez, dans les escaliers. Et puis, dans les années un peu plus récentes, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, on a eu la vogue des enduits cirés. Non, tout à fait. Enfin, là, on avait passé une espèce de patine. De patine, voilà. Ouais. Voilà. Maintenant, nous voudrions aplanir ce crépi, sans bien sûr et en évitant de poncer, hein, parce que là, il y a des possibilités. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont les solutions qui sont proposées actuellement dans ce type de problème. Voilà. Alors, vous anticipez sur le débat de tout à l'heure, donc on reposera votre question aux spécialistes du crépi tout à l'heure, dans la deuxième heure de notre émission. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'en fin de compte, il y a deux solutions. Comme ces crépis ont du relief, soit on peut boucher le relief en quelque sorte et aplanir, soit on peut pas, et à ce moment-là, eh bien, on n'a qu'une solution, c'est le doublage. Donc en réalité, on a deux solutions, soit le doublage en plaque de plâtre, et là, comme ça, vous êtes tranquille, mais vous allez avoir une surépaisseur de 12 à 13 millimètres, donc c'est quand même assez contraignant parfois dans certaines configurations, notamment avec les plaintes, les choses comme ça, évidemment. Donc ça, c'est une solution radicale, puisque dans cette configuration-là, on peut même coller directement les plaques de plâtre sur le mur. L'autre solution, c'est l'enduit de garnissage. On aura encore une fois l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure. L'enduit de garnissage, alors plusieurs marques, dont celle que nous avons invitée tout à l'heure, plusieurs marques, eh bien, proposent un enduit qui permet de recouvrir facilement et de rendre plan le mur, plan et plat évidemment, et donc de reboucher les irrégularités, les aspérités que vous constatez. Alors la seule chose, et on posera justement cette question tout à l'heure, c'est parfois un problème d'adhérence, c'est-à-dire qu'il faut que il faut pas qu'il y ait une substance qui soit contradictoire avec l'adhérence plutôt de l'enduit sur le mur. Donc le mieux que vous avez à faire à ce moment moment-là, c'est de faire un test, de faire un essai sur une partie. Ça vaut d'ailleurs presque pour tout. Hein, lorsqu'on s'attaque à de la décoration, souvent, eh bien, on fait un test de résultats sur une partie de mur non visible ou discrètement, on fait quelques dizaines de centimètres carrés d'essai pour voir si ça marche bien. Mais c'est spectaculaire, hein, ça marche vraiment. Justement, pour reboucher les enduits gras de coude là que des années 80, ces enduits de garnissage sont tout à fait efficaces. Alors, on m'a parlé d'une espèce d'appareil aussi comme une décolleuse de papier peint. Alors, il est vrai que dans certains cas, les crépis de ce type sont quasiment ce qu'on appelle strippables, hein, c'est-à-dire qu'on peut les décoller comme du papier peint. Et alors, je vais vous dire, même souvent, on n'a même pas besoin d'une décolleuse. On les attrape, on les décroche en haut et on tire et ça suffit. Mais c'est pas garanti. Merci beaucoup Marc, on enchaîne avec Nicole. Tiens, on parlait il y a un instant avec Christian des chauffe-eau. Eh bien c'est la question de Nicole qui est avec nous, qui habite dans le Val-de-Marne. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bonjour Nicole. Que vous arrive-t-il Nicole? Je suis dans le 83, c'est-à-dire le Var. Ah oui. Pardon. Je crois que c'est moi. C'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà, et j'écoutais donc votre émission et j'étais assez sensibilisée par le fait d'entendre le monsieur qui disait qu'il avait son chauffe-eau dans François depuis plus de 30 ans. Oui. Donc moi, je pensais que le mien était largement obsolète avec 25 ans. Ça fait 25 ans que nous habitons notre appartement. Il n'est certainement pas, comme le mien d'ailleurs, il n'est certainement pas très économique, hein, parce que évidemment, on est dans des générations qui ne sont pas des générations où on s'intéressait beaucoup au problème de la consommation, notamment d'électricité. Mais bon, comme je vous dis, moi c'est un chauffe-eau dans une maison de vacances, donc c'est différent. Mais peut-être que le vôtre ne consomme pas trop non plus. Hein. Bon, je vais dire que comme on est là 2-3 mois par an, on se rend compte. Néanmoins, ce qui nous dérange énormément, c'est que quand on arrive et que on met en branche le chauffe-eau et tout, il sort. Il y a une odeur nauséabonde de ce chauffe-eau, mais c'est épouvantable. Et voilà. Et alors, je sais pas cette comment odeur faire. Vient d'où? C'est-à-dire quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude, c'est ça? L'eau Exactement. A une odeur? Et l'eau sort au robinet, mais alors c'est insupportable. Alors on vidange tout, on vide tout le chauffe-eau, ouais. De l'eau restante, parce que... Et après ça disparaît. On l'avait fait réviser, on l'a fait venir une personne. À quelle température vous faites sortir votre eau? Écoutez, elle est assez chaude, hein. Parce que alors on a toujours un problème en dessous de 50 degrés. Le risque existe de la légionellose et éventuellement de prolifération bactérienne. Alors ce que vous faites, évidemment, j'imagine que vous ne chauffez pas votre eau pendant des mois. Est-ce qu'il y a une prolifération bactérienne? C'est un phénomène que je n'ai pour tout vous dire jamais enregistré, jamais eu, en tout cas moi. On a souvent de l'eau qui est un peu rouge parce que justement la cuve rouille. C'est peut-être de l'eau croupie qui enfin. Oui, mais ça voudrait dire qu'il y a de l'air qui passe dans le chauffe-eau pour favoriser une prolifération bactérienne. Augmenter la température. Alors, du chauffe-eau, moi j'augmenterais la température du chauffe-eau, mais si ça disparaît après l'avoir vidangé, je serais tenté de vous dire, faites votre vidange et puis vidangez à ce moment-là la cuve directement. Ce que vous pouvez aussi, c'est voir à la nettoyer, peut-être qu'il y a une accumulation de boue dans ce chauffe-eau. C'est pas impossible, c'est pas dramatique que de vidanger. Il faut d'abord vider la cuve, démonter toute la partie résistance et puis nettoyer, voire gratter le calcaire qu'il peut y avoir dans la cuve. Ça se fait également. Merci Nicole. Allez, on revient après la météo des infos de 8h30. Le week-end des experts, la maison avec vos questions. Bricolage, maison déco, on les attend. 32-16, à tout de suite, on est là dans quelques minutes. Le week-end des experts sur RMC, votre maison.

rien obtenu de plus de l'industriel. Le beau-frère des Kouachi est remis aux autorités françaises. Il sera présenté à un juge antiterroriste aujourd'hui. Mourad Hamid est soupçonné d'avoir voulu rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. L'Italie enterre les victimes du séisme de mercredi, journée de deuil national ce samedi. En fin de matinée, une cérémonie d'obsèques sera célébrée en présence du chef du gouvernement, Matteo Renzi, et du président de la République italienne. 30 personnes seront inhumées. En football, Marseille se hisse à la 6e place du championnat. Première victoire de la saison hier soir de l'OM. Les Marseillais affrontaient la Lanterne Rouge à Lorient. Au stade à Marseille. Résultat 2-0, suite de la 3e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, Dijon reçoit Lyon. À 20h, Bastia se déplace à Caen. Metz accueille Angers. Montpellier affronte Rennes. Nancy joue contre Guingamp. Et Nice reçoit Lille. Et en Formule 1, essai du Grand Prix de Belgique cet après-midi. Démarrage sur le circuit de Spa à 14h. Qualification à suivre, bien sûr, sur RMC. Pour l'heure, vous retrouvez François Sorel. Et le week-end des experts. Merci Claire et Christian Pessé qui m'accompagnent. Le 32-16, maison@rmc.fr. Toutes vos questions bricolage maison déco. On revient dans une minute. À tout de suite. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Attention, cri-cri, la question flash. Hein. Mais oui. Évidemment, dans votre petite maison à Sospel, vous aviez complètement oublié la question flash. Ah, complètement. Ça, et elle revient. Elle revient. La question de Germaine. J'étouffe depuis plusieurs jours dans mon appartement sur les toits de Paris. Eh oui. Logique. J'ai décidé d'acheter un climatiseur mobile ou un rafraîchisseur. Je ne sais pas la différence. Que me conseillez-vous? Eh bien, finalement, les deux systèmes sont très différents. C'est-à-dire que pour simplifier, eh bien, un climatiseur produit du froid à l'aide d'un compresseur, comme une pompe à chaleur inversée, en quelque sorte, comme un réfrigérateur. Mais un rafraîchisseur, lui, abaisse la température par évaporation d'un flux d'air. Alors, dans les conditions actuelles de température, je dirais qu'il n'y a pas photo. Seuls les climatiseurs sont en mesure d'abaisser significativement la température d'une pièce. C'est véritablement le système le plus efficace, même si les rafraîchisseurs peuvent avoir leur intérêt dans un certain nombre de cas, et notamment lorsque les températures sont un petit peu moins élevées qu'aujourd'hui. Alors les climatiseurs monobloc mobiles ont besoin d'une évacuation d'air chaud vers l'extérieur, c'est peut-être quand même leur faiblesse, donc il faut soit faire un trou dans un mur pour faire passer cette gaine d'évacuation, soit passer par une fenêtre qu'on en trouve, ce qui veut dire qu'il y a aussi de l'air chaud qui rentre. Alors il existe des kits de calfeutrage pour empêcher la pénétration de l'air chaud, c'est pas très commode à mettre, mais ça peut être tout à fait efficace. Et puis le fait que la fenêtre soit entrouverte, eh bien, n'est pas de nature à véritablement contrarier le processus de rafraîchissement du climatiseur. Attention, ça ne peut concerner que des pièces de 30 à 50 mètres carrés. Tout va bien avec ce type de matériel. Voilà, et le 32-16, bien entendu, n'hésitez pas, hein, vous voulez parler climatiseur en ces périodes de canicule, on vous attend. 32-16, à tout de suite sur RMC. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 8h35, c'est le retour du week-end des experts et la maison. Merci d'être avec nous, un bon réveil aussi à vous toutes et à vous tous. Et bonne rentrée surtout, jusqu'à 10h nous sommes ensemble. Et après vous retrouverez les GG du sport. Christian, attention, tout à l'heure, on va s'intéresser à la rentrée, à la déco de rentrée. Oui, bien sûr. Allez, un petit coup de neuf dans la maison, changer un petit peu les peintures, pourquoi pas. C'est vrai que c'est la période. Hein. Oui, c'est la période. On va s'intéresser donc aux basiques, je dirais, de la déco, à savoir l'association des couleurs, des textiles, des dégradés, des camailleux. Mais on va aussi s'intéresser à la préparation des murs, parce que des murs pas bien préparés, eh bien, ça ne peut pas donner un résultat intéressant par la suite. On va parler aussi des traitements de la plaque de plâtre, parce que c'est très intéressant et très important aussi. Beaucoup de nos maisons ont des murs doublés en plaque de plâtre. Comment la peindre, comment faire des joints, comment appliquer un enduit dessus. Et justement, on va aussi parler des enduits, enduits de préparation, mais aussi enduits décoratifs. On se demandera comment repeindre un vieux carrelage, ça aussi, c'est une question qui revient souvent. On se demandera aussi si on peut utiliser un pistolet pour peindre l'intérieur d'une maison, notamment un plafond. On verra que c'est la solution techniquement souvent la plus fiable. C'est ça. Mais est-ce que c'est compliqué de peindre avec un pistolet? Tiens, j'imagine qu'il faut un sacré coup de main. Bon, on verra. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, tiens, si vous voulez témoigner sur ce genre d'outil, tiens, peindre avec un pistolet, est-ce que vous avez déjà testé? Moi, non, personnellement, mais c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Ouais. La rapidité de travail quand on a trouvé le tour de main véritablement. Oui. L'essentiel étant de bloquer le poignet. Parce que si le poignet pivote, eh bien fatalement on se rend bien compte que la distance va varier et donc à ce moment-là le résultat ne sera pas homogène. Donc ça c'est un des trucs de base, mais c'est vrai que le pistolet c'est quand même extraordinaire. On couvre de façon parfaite avec un minimum de peinture. Voilà, ce sera tout à l'heure, on en parlera. Si vous voulez poser vos questions et réagir dès maintenant, 32-16, on accueille Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue Alain. Merci, vous aussi. Merci pour la radio, l'émission, dire. Bah écoutez, merci pour toi, vous aussi. C'est sympa de nous appeler. Oui, parce que si vous n'étiez pas là, ouais, qu'est-ce qu'on ferait ? On serait un peu embêté. Oui, c'est vrai. Bon, Alain, qu'est-ce qui vous arrive ? Moi, voilà, je vais vous téléphoner. J'ai une maison, j'ai un plancher. Donc, ma maison de surface, elle fait 60-70 mètres carrés. Et je me suis rendu compte en descendant la cave que ce plancher, il était attaqué par dessous. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait un traitement et lequel il était et comment le passer. Alors, dites-moi, racontez-moi ce que vous avez, ce que vous voyez. Ce sont des petits trous avec de la sûre qui s'en échappe. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, votre plancher est attaqué par ce qu'on appelle des vrillettes. Alors, ce sont de petits insectes qui pondent donc dans le bois. Et la larve, qui est également petite, elle est à la mesure de l'insecte, se développe donc dans les lames de parquet. La petite vrillette, c'est pas véritablement ce qui est le plus grave, le plus dangereux. Simplement, il faut essayer évidemment de les traiter. Alors, pourquoi vous voyez les trous en dessous et pas au-dessus? Eh bien, parce que au-dessus, votre parquet, il est soit ciré, soit verni, et donc c'est pas facile de le percer, puisque ces larves, si vous voulez, se développent dans le bois, grignotent le bois, et les trous que vous voyez, c'est la sortie de la larve à la fin de la métamorphose qui libère un petit insecte, une petite mouche, on va dire pour simplifier, un petit coléoptère, c'est évidemment la larve qui est pas idiote, et bien elle sort du côté le plus facile. Elle est pas idiote, c'est-à-dire qu'elle se rend bien compte qu'elle peut pas sortir sur la face qui est cirée, qui est durcie aussi par le passage des gens, des pieds, et donc elle sort par la face qui n'est pas traitée. Alors comment vous pouvez traiter ça? Généralement sur de la vrillette, compte tenu de l'épaisseur du bois, le plus simple c'est du badigeon. Donc il faut acheter un produit insecticide. Alors aujourd'hui il en existe des bio qui font avec un truc très rigolo, c'est que on applique des produits qui coupe l'appétit de la larve. Plutôt que de la tuer, ça coupe l'appétit de la larve. Donc, on commence par badigeon. Si vos lames sont assez épaisses, eh bien, vous pouvez faire aussi de l'injection. Mais évidemment, là, il va falloir un petit peu de patience parce qu'on fait surtout de l'injection pour les parquets. On fait de l'injection avec des bombes aérosols. Il faut, je sais pas, tous les centimètres, injecter un petit peu de produit. Moi, je pense que si déjà vous faisiez un bon badigeon, protégez-vous bien, évidemment, là, les yeux, les cheveux, puisque vous allez traiter quelque chose comme si c'était au plafond, on peut dire. Ah oui, tout à fait, oui, c'est ben ça. Voilà, oui. Voilà. Donc vous le passez au rouleau, tout bêtement, ou à la brosse, mais sinon, vous pouvez le passer, là, en l'occurrence, au rouleau, et vous allez faire une imprégnation. Alors, si vraiment vous avez une très très grosse attaque, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est poncer le parquet au-dessus, c'est-à-dire enlever toute la couche de cire, poncer le parquet, et refaire cette imprégnation par le dessus. Ce qui serait mieux, évidemment, mais c'est un gros boulot. Commencez déjà par essayer de faire l'imprégnation par le dessous. Ça sera déjà. L'imprégnation par le dessous, on peut le faire par le pistolet? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez le faire au pistolet. Justement, on en parlait tout de suite et on va en parler tout à l'heure avec quelqu'un de chez Wagner. On peut tout à fait faire de l'imprégnation au pistolet. Ça couvre plus de surface qu'un badigeon au rouleau. Tout à fait, tout à fait. Et puis, comme on est en pulvérisation, on imprègne davantage le bois que si on est en application de surface. D'accord. Eh bien voilà, Alain. Merci pour votre appel. Merci pour votre émission. Okay. Au revoir. Alain des Hautes-Pyrénées. Et puis n'hésitez pas, hein, à tout moment, vous pouvez joindre Christian PC, tout comme Alain, tout comme Edmond, qu'on va accueillir dans un instant. Vous avez une question dédiée à la maison, au bricolage, à la déco, profitez-en, 3216 ou par mail, maison@rmc.fr. Mais si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre... numéro de téléphone. Ah, voilà, il y a eu quelques secondes quand même de latence. Christian me regardait en disant, mais qu'est-ce qu'il veut ? Oui, donnez-nous votre numéro de téléphone. Donnez-nous votre numéro de téléphone. Eh bien, voilà. Sinon, on ne peut pas vous rappeler. Exactement. Hein, bon. J'aime bien de temps en temps comme ça vous challenger, cri-cri. Edmond est là. Bonjour, Edmond. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et on vous écoute, Edmond. Bon, moi, j'ai un problème sérieux. Ah. J'ai fait construire une maison il y a 15 ans et demi exactement. Oui. Et la toiture est recouverte avec des tuiles Lafarge, oui. Référence Tergussol Limoux. Oui. Et le ramoneur, en montant sur le toit, m'a signalé qu'il y avait des tuiles qui s'effritaient. Bon, je lui ai dit, il va en racheter. Voilà, le problème, c'est que ces tuiles ne se font plus. Ah. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il paraît qu'il n'y a pas d'autres... tuiles qui pourraient éventuellement... Alors, moi, la première chose que je ferais, c'est de me demander si vraiment ces tuiles s'effritent, comme on vous le dit, parce que je ne veux pas incriminer votre rameneur, mais parfois, certains ont quelque intérêt avec des couvreurs ou avec des pseudo-spécialistes de traitement de surface des tuiles, et donc peuvent peut-être faire une analyse, je dirais, un peu pessimiste. Donc... faire une seconde expertise à ce moment-là, allez le voir vous-même aussi peut-être si vous avez la possibilité d'apercevoir vos tuiles, mais ça me paraît bizarre qu'au bout de 15 ans les tuiles en question comme vous dites s'effritent. De toute façon, la première des choses, c'est est-ce que vous avez des pénétrations d'eau dans votre grenier? Ça n'est pas là. Le ramoneur m'a apporté des plaques de 10-15 cm de long sur 3 mm d'épaisseur qui sont décollées de la tuile. Bon. Bah à ce moment-là, de toute façon, votre tuile, je n'ai pas là l'affiche des tuiles Lafarge que vous évoquez, mais les tuiles sont garanties, sont généralement 25 ans. Donc, de toute façon, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est comme que vous commenciez par écrire au service après-vente de chez Lafarge, en leur demandant s'il est normal que des tuiles s'effritent, si c'est véritablement le cas, au bout de 15 ans. Quelle est la garantie de ces tuiles? Ça, vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez le savoir très facilement. Et puis, à ce moment-là, vous allez leur demander de faire quelque chose. Oui. Parce qu'à mon avis, vous êtes encore dans la période de couverture, c'est le cas de le dire, par la garantie de ces tuiles. Ça m'étonnerait que ces tuiles-là ne soient pas garanties plus que 15 ans. En général, les tuiles, c'est garanti combien? C'est souvent garanti 25 ans. Ah oui, d'accord. Mmh. Donc ça vaut peut-être le coup. Ça vaut pas peut-être. C'est indispensable. De toute façon, non seulement c'est indispensable par rapport à la garantie, mais même si il n'y avait pas une garantie au-delà des 15 ans, vous pourriez arguer qu'il y avait un vice de fabrication, puisque en tout état de cause, ça n'est quand même pas normal que des tuiles s'effritent, comme vous dites. Faites faire un deuxième examen par un autre professionnel. Et faites venir un couvreur. Votre maison, vous avez encore le fabricant, le constructeur existe toujours? Ah, mais écoutez, Edmond n'est plus là. Bon, là aussi, c'est une des solutions, c'est de s'adresser à son constructeur et de lui dire que même si la garantie décennale est dépassée, qu'il y a quelque chose d'anormal dans la longévité et dans la garantie des tuiles qui ont été posées. Alors évidemment, là, comme ces tuiles apparemment ne se font plus, il y a évidemment une difficulté certainement de réparation. Peut-être qu'il faut refaire toute la couverture. Mmh. Rappelons aussi qu'on peut aussi parfois trouver des tuiles d'occasion. Il faut aller faire un petit tour sur les sites de vente entre particuliers et on trouve aussi très souvent des tuiles qui ne se font plus depuis longtemps. Merci beaucoup Edmond. On va revenir dans un instant avec Philippe qui va nous parler de son poil. Il a un problème avec son poil. Pourtant, il est aux normes, hein, Christian. Mais ça ne va pas. Il a toujours de la fumée. Eh oui, Eh oui, bah on va voir ça, ça va être un problème de tirage. On va en parler dans un instant. Et non pas de grattage. Là, c'est que le tirage. Oui. D'accord. Hein. Mais oui. Ça peut rapporter gros. Ça peut rapporter gros. Enfin là, le pauvre, c'est le rapport de la fumée. C'est pas terrible. Ouais, c'est un peu fumeux comme question. Christian, attention, hein bon. Attention. Ah, on a décidé de ne pas franchir la ligne ligne jaune pour cette nouvelle saison. Attention. Le 32-16 ou maison@rmc.fr. Sinon, je serais grillé. C'est le week-end des experts. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Oh, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Slip de bain, check. L'écran Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi ? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial ! Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Carrefour Market. C'est sympa, les vacances. On se fait plein de nouveaux copains. Mais du coup, pour le dîner, on a deux fois plus d'invités. Vous pouvez compter sur Carrefour Market, Michel. Jusqu'à ce soir, pour deux rôtis de porc longe origine France achetée, le moins cher des deux est offert. Bah, vous aussi, vous allez vous faire de nouveaux copains. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la boucherie, crédité sur votre carte de fidélité. Port longe sans os à rôtir, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution ? Mais bien sûr que je peux te le dire, pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui, plus d'infos sur Free.fr ou 1044. Merci Free. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, pour 1 euro, ils vous offrent un café. Et puis il y a La Paire, qui pour 1 euro vous pose votre porte d'entrée. Jusqu'au 12 septembre, La Paire vous offre la pose de votre porte d'entrée en alu pour 1 euro de plus. 1 euro la pose. La Paire, vous pouvez chercher. Il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Pratiquement 9h-10, bienvenue sur RMC. Et c'est la rentrée pour notre week-end des experts. Vous le savez, chaque samedi et dimanche, j'ai le plaisir d'être aux côtés des meilleurs experts de France. Le dimanche, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui sera là demain. On enchaînera aussi avec l'automobile et Jean-Luc Moreau et toutes vos questions auto. Et tout à l'heure, c'était le jardin. Et là, nous sommes au cœur de ce rendez-vous maison avec Christian Pessé. Le 32-16 pour poser vos questions bricolage maison déco. On vous attend et on accueille Philippe maintenant. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, bonjour. Bienvenue. Merci. Bon, vous avez très bien résumé la situation. J'avais une cheminée avec un insert. Depuis, on a installé donc un poêle qui est beaucoup plus performant. Il y a eu un feu de dans le conduit, donc il a été refait entièrement aux normes du plafond jusqu'à la sortie de toit. De toute façon, il est tubé, votre conduit. Oui. Bon. Oui, oui. Et malgré le bois que je peux utiliser, lorsque j'ouvre la porte du poêle, j'ai toujours de la fumée qui refoule et ensuite qui va se déposer sur le plafond blanc. Vous avez une VMC ? Oui. Eh ben voilà. Mais la VMC, elle est coupée lorsque je fais du feu. Elle est coupée lorsque vous faites du feu ? Oui. Vous avez une hotte de cuisine ? Oui, là c'est pareil. je ne l'utilise pas. Bon, de toute façon, alors vous savez, il y a pas de secret. Vous êtes dans après c'est un problème de ça peut être un problème de tirage. Oui. Donc votre sortie de cheminée, votre souche de cheminée, est-ce qu'elle dépasse bien de 40 cm le faîtage ? Oui. Elle est sur le pignon est. Elle est sur le pignon est. Est-ce que vous avez des arbres, de la végétation qui pourrait perturber le tirage? Pas à proximité. Bon. Alors moi, je mettrais tout simplement, je pense quand même que vous avez un problème de tirage. Oui. Parce que y a, ou bien, effectivement, vous avez un problème de tirage, ou bien vous avez un problème de dépression de la maison. C'est-à-dire que la maison est en dépression. Quand vous ouvrez votre porte, eh bien, le tirage, au lieu de se faire normalement de façon privilégiée par le conduit de cheminée, il se fait par l'intérieur de la maison. Donc, c'est effectivement un problème qui est lié là, soit un défaut de tirage dans la cheminée, soit un problème de dépression de la maison. La maison, j'imagine que vous avez des fenêtres isolantes, non ? Oui. Voilà. Alors ça, c'est un des éléments. C'est que effectivement, il y a une étanchéité de l'enveloppe elle-même, et donc peut-être que même si la VMC est coupée, c'est une VMC simple flux ou double flux ? Simple flux. Voilà. Donc comme vous avez une VMC simple flux, peut-être que malgré tout, le tirage en quelque sorte se fait par la simple flux. C'est-à-dire que même si votre moteur est coupé, vous avez quand même peut-être une mise en dépression de la pièce par le fait même que se produit un tirage naturel par le conduit de la VMC simple flux. Donc bon, ce que vous pourriez essayer de faire, c'est de boucher, mais encore je crois que ça ne changera pas grand chose. Je pensais faire un test en bouchant les entrées d'aspiration de la VMC. Moi je mettrais un aspirateur en haut de mon conduit de fumée, et à mon avis, aspirateur dynamique, soit naturel, c'est-à-dire qui tourne tout seul, soit avec un moteur électrique, et puis à mon avis, le phénomène disparaîtrait. Oui, c'est les boules qu'on pose tout en haut. Ouais, par exemple. Qui tournent avec le vent. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un aspirateur dynamique. Et puis, à la limite, il y a même des aspirateurs, cette fois, qui sont avec un petit moteur électrique et qui aspirent donc la fumée. De toute façon, ça veut dire que, quand même, je pense que même dans le fonctionnement normal, vous ne devez pas avoir un rendement extraordinaire du tirage. Même non. Quand votre porte est fermée. Non. Bah alors, je suis souvent en train d'ouvrir pour attiser un peu le. Voilà. Donc ça veut bien dire que vous manquez de tirage. Merci Philippe. Allez, on enchaîne avec Jean-Claude qui nous a appelé au 3216. Bonjour Jean-Claude. Bonjour messieurs. Alors Jean-Claude, une peinture qui a un problème visiblement. Oh, absolument. Un professionnel m'a appliqué dans une chambre de 9 mètres carrés au plafond, donc deux couches de peinture acrylique blanc mat. Et depuis une semaine, j'ai une odeur infernale, à tel point que je ne peux plus dormir dans cette pièce. Et vraiment, une odeur de peinture, c'est ça, Jean-Claude? C'est assez difficile à définir. C'est difficile à définir. D'accord. Oui. J'ai appelé le fabricant de cette peinture, qui m'a dit que c'était un problème qui pouvait exister à cause de, je ne sais pas quoi, d'ozone. Non. Ce que je peux vous dire, ce qui peut se produire et ce qui s'est déjà produit sur des gammes de peintures de très grands fabricants, c'est un problème de prolifération bactérienne, c'est-à-dire que aujourd'hui on est dans des peintures. Mais dans la peinture, non solvantées, bien sûr, non solvantées, et oui. C'est-à-dire qu'ils sont à l'eau, hein, sur les chaînes de fabrication, il peut arriver que il y a une prolifération bactérienne vous avez les odeurs parce que en clair ça pourrit quoi. Alors c'est plus sensible bien sûr dans l'après-midi où il fait chaud, parce qu'il fait chaud chez nous en ce moment. Le matin c'est plus frais, c'est moins sensible, mais alors on m'a laissé entendre que ça pouvait perdurer dans le temps. Ah mais bien sûr. Ça va finir par s'atténuer, hein, mais il y a des chances que ça continue, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là, Christian? Eh ben, faut tout enlever et tout recommencer. Oh là là. Ce constructeur m'a dit qu'il faudrait recouvrir avec une couche de glycéro. Oui. De façon emprisonnée. Oui, mais le problème de la glycéro, c'est qu'à l'intérieur, c'est de la glycéro à l'eau aussi maintenant. S'il y a plus, vous n'avez plus de peinture solvantée pour l'intérieur. Pour des raisons écologiques. Oui, c'est ça. Pour des raisons écologiques. Donc, alors bon, un professionnel peut avoir encore de la glycéro puisqu'il en existe encore pour l'extérieur. Et puis, il va tenter le coup, mais c'est véritablement un problème. Je vous dis, il y a une. Mais là, il peut pas. Mais est-ce que Jean-Claude peut pas se retourner contre le fabricant de la peinture? Il peut pas se retourner contre le fabricant de la peinture. Il peut se retourner contre son peintre en lui disant que il y a une nuisance. D'accord. Et qu'il va la faire constater et que de toute façon à ce moment-là il va demander au peintre des dommages et intérêts, donc ça risque de se bouger. Ou au moins réparation. La réparation, ça servira à rien. Il aura, là, il faudra qu'il repasse par un autre peintre. Mais c'est un gros problème. Il y a une marque bien connue de peinture avec pour ne pas la nommer Ushuaïa, chez Castorama il y a quelques années, qui a eu ce problème. D'accord. Christian, on revient après la météo et les infos de 9h. On attaquera notre deuxième partie dédiée au bricolage et à la maison, à la déco. Et là, justement, on va tout changer à la maison. C'est la rentrée. On est plein de bonnes résolutions. La déco de rentrée avec vos questions et nos invités dans un instant. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Demain, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Géant, ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche, dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur l'Aspi Balai sans fil Bosch 2400 watts, soit un bon d'achat de 71,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du lundi 29 août au dimanche 4 septembre. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, explorez l'extrême. Jérôme Burin-Desrosiers, ancien officier des chasseurs alpins et ancien reporter de guerre, plonge en milieu hostile dans l'île cannibale du Vanuatu pour des épreuves qui repoussent les limites de l'endurance humaine. Fear Trip, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Montluçon d'Omera dans le magasin de Steven Bento. Alors, cette rentrée? Une rentrée sous le signe des économies avec ce matelas latex à 699€. Fabrication française, 23 cm d'épaisseur pour 699€ seulement. Le meilleur du latex à prix exceptionnel, c'est jusqu'au 18 septembre. Maison de la Literie est le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Avec RMC, le Red Star poursuit sa saison au Stade Jean-Bouin à Paris. Aujourd'hui, à 15h, le Red Star reçoit Le Havre pour la 5e journée de Domino's League 2. Assistez à ce choc entre deux clubs historiques du football français. Les Verts et Blancs comptent sur vous pour accrocher la victoire. Rendez-vous au Stade Jean-Bouin aujourd'hui à 15h pour supporter l'Étoile Rouge contre Le Havre. Billets en vente à partir de 10€ sur place et sur le site billetterie.redstar.fr. Avec RMC. Intermarché s'engage. Le lot de deux melons charentais jaunes les moins chers de France est à 1,38€. 1,38€ les deux melons. Et c'est jusqu'à demain. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, soit 69 centimes la pièce au lot. Calibre 800, 950, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Modalité et liste des magasins participants sur intermarché.com. Allez, on s'intéresse à la météo de votre week-end sur RMC. C'est toujours très très chaud, hein, Jérémy. Eh bien, François, ce samedi sera... Oh là là, vous avez ressorti les vieux tubes, les vieux tubes, exactement, tout à fait. Bravo. L'été donc, enfin l'été, non, la rentrée, plus exactement. Ouais, c'est toujours l'été, hein, c'est toujours l'été. Ouais, ça sera chaud aujourd'hui et beau sur une majeure partie du pays. Du soleil pour presque tout le monde. Je dis presque puisque quelques nuages entre la Bretagne, l'Île-de-France et le Nord-Est perturbent déjà cette belle journée. Des nuages qui pourront donner localement quelques orages au cours de cette journée, même quelques averses de pluie ou de grêle. Et de la grêle, on en attend d'ici la fin de journée sur la Normandie ou encore entre la la Champagne et les frontières belges. Des averses orageuses parfois violentes localement accompagnées de fortes rafales de vent. Côté Mercure, il va faire encore très chaud. On vient de le dire, la vigilance orange canicule est maintenue dans 43 départements. Ce matin, il fait déjà entre 13 et 15 degrés sur les côtes de la Manche, entre 21 et 23 sur la côte d'Azur. Sur le reste du pays, c'est plutôt entre 16 et 21 degrés. Et puis cet après-midi, retour à nouveau de la chaleur et du mercure. On attend 29 degrés à Bastia, 30 à Marseille, 32 à Lille, 35 degrés à Lyon, 36 à Paris et Strasbourg. Et tenez-vous bien, jusqu'à 38 degrés à Auxerre. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Belgique. 16h, football anglais, les matchs de Première Ligue. 17h, athlétisme, le meeting de Paris. Et football Ligue 1, Dijon-Lyon, suivi à 20h des autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h01, un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour, la Fournaise, encore cinquième jour de canicule et 43 départements en alerte orange. Les anti-Burkini contre-attaquent, ils veulent légiférer après la décision du Conseil d'État d'annuler l'arrêté de Villeneuve-Loubet. En football, Marseille soulagé, première victoire de l'OM hier depuis le début de la saison. Le pire jour de la semaine. Il fera encore plus chaud aujourd'hui que les jours précédents. 43 départements restent donc en alerte orange canicule. Alors en cette période, des petits malins pourraient être tentés d'utiliser des bouches à incendie pour improviser une piscine urbaine. L'an dernier, avec ce type d'acte de vandalisme, 250 millions de litres d'eau sont partis dans la nature. Alors à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, un nouveau dispositif a été mis en place. Léa Zachary est allée le tester. C'est bon, monsieur, ça va commencer. Oui. Une simple grille, une vanne pour gérer la pression. Et voilà cette bouche à incendie transformée en fontaine. Soukaina a mis son plus beau maillot de bain. Les deux princesses, c'est des paillettes. Les jets d'eau, elle adore. C'était trop bien. Ça fait un petit peu d'eau comme il pleuvait. Ici, l'été dernier, plus de 300 bouches à incendie ont été vandalisées. Alors, en pleine canicule, la mairie a pris les devants. Une bonne idée pour Tao. D'habitude, on l'ouvre entièrement. Je veux dire que ça gaspille pas mal d'eau et ça inonde la rue complètement. On a beaucoup de mères de famille qui viennent ici avec leurs enfants juste parce qu'elles savent qu'on ouvre l'eau. Du coup, voilà, ça leur permet, on va dire, une petite piscine improvisée et gratuitement. Yannick Nahon est l'ingénieur à l'origine du dispositif. Ancien sapeur-pompier, il s'est inspiré des rues de New York pour permettre aux habitants de se réapproprier la ville. Au lieu de faire de la répression pure et dure, on a préféré plutôt réguler la situation. Donc c'est vraiment une réponse sociale pour des quartiers difficiles. Si le test est concluant, la ville espère équiper d'autres bouches incendies l'été prochain. Et autre sujet brûlant, le burkini et la décision du Conseil d'État n'a en rien apaisé le débat. Hier, les sages ont invalidé l'arrêté de la commune de Villeneuve-Loubet. Même l'avocat de la Ligue des droits de l'homme qui avait introduit une requête auprès du Conseil d'État contre cet arrêté, Patrick Spinoza, il admet, le dossier est loin d'être refermé. En réalité, logiquement, il ne devrait plus y avoir de polémique, puisque la question a été définitivement tranchée. Non, un maire ne peut pas interdire le port du burkini sur une plage ou le port de tout signe religieux. Maintenant, il appartiendra aux politiques de réagir comme ils le décident, d'en tirer des conséquences sur leur programme. Chacun fera comme il l'entendra. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les libertés fondamentales qui sont au-dessus de la loi garantissent aujourd'hui la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de conviction, et interdisent à un simple maire de décider de limiter cette liberté sans raison suffisante. Et ce qui est certain aussi, c'est que le Premier ministre n'entend pas subir ce revers infligé par le Conseil d'État sans réagir. Hier soir, il a tweeté que dénoncer le burkini n'était en aucun cas mettre en cause une liberté individuelle. Pour autant, Guillaume Larrivé, le porte-parole des Républicains, ne croit pas à une initiative du gouvernement en la matière. Nous savons bien que le gouvernement ne fera rien, nous savons bien que le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls est prêt à reculer une nouvelle fois. Eh bien nous, les Républicains, nous voulons protéger la République française, nous voulons sauvegarder les droits et les libertés des femmes. C'est la raison pour laquelle, avec Éric Ciotti, avec Éric Woerth, avec Laurent Wauquiez, nous travaillons sur une proposition de loi pour être à l'initiative pour protéger les droits et les libertés des Français face à des islamistes qui voudraient nous asservir. Quant à Alain Juppé, il s'est lui démarqué hier en affirmant qu'il ne souhaitait pas de loi sur le sujet. Il fait sa rentrée aujourd'hui à Chatou, en région parisienne. Stéphanie Collier, le maire de Bordeaux, s'est fixé une ligne de conduite. Ne jamais attaquer le premier, même si ses piques contre son principal adversaire, Nicolas Sarkozy, sont de plus en plus acérées. Les proches d'Alain Juppé le disent souvent, entre le maire de Bordeaux et Nicolas Sarkozy, ce sera un combat de fond entre deux styles et surtout deux visions de la société française. Alors petit à petit, à mesure que la campagne s'annonce, Alain Juppé s'applique à montrer en quoi il est différent de son rival. Dans une interview au Figaro ce week-end, le maire de Bordeaux donne des bons points et des mauvais points à Nicolas Sarkozy. Une loi sur le burkini, comme l'a demandé avant-hier Nicolas Sarkozy, aucun intérêt, dit en substance Alain Juppé, qui estime que ce serait une loi de circonstance. Supprimer les menus de substitution dans les cantines, sûrement pas, dit Alain Juppé, là encore, il estime que cela favoriserait le communautarisme au lieu de le combattre. En revanche, Alain Juppé donne un bon point à Nicolas Sarkozy sur la nécessité de mieux former les imams et comme son rival, Alain Juppé estime que les musulmans de France doivent désormais prendre leurs responsabilités pour mieux s'organiser. Les agriculteurs ont perdu une bataille, mais pas la guerre. Ils ont décidé hier soir de lever le candule siège de Lactalis à Laval. La FDSEA de la Mayenne leur avait demandé de rentrer dans leur ferme après le nouvel échec des négociations la nuit dernière. Ils envisagent désormais une action au niveau national. Des drapeaux en berne pour dire la tristesse de tout un pays. L'Italie enterre les victimes du séisme de mercredi. Le président de la République italienne ainsi que le chef du gouvernement, Matteo Renzi, assisteront aux funérailles d'une trentaine d'entre elles. Le dernier bilan fait état de 281 morts. Depuis jeudi, aucun survivant n'a été retrouvé dans les ruines. La simplification, c'est maintenant. Et en cette rentrée 2016, les 16 millions de personnes pratiquant un sport dans un club pourront obtenir un certificat médical valable 3 ans, Martin Baudrero. Terminé donc l'examen annuel pour renouveler le document. Un gain d'argent puisque la consultation n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Le certificat sera de plus valable pour la pratique du sport en général et non plus pour une activité en particulier. Autre changement, le sport à l'école est maintenant dispensé de certificat médical. Ceci concerne les cours d'éducation physique mais aussi les activités organisées par les fédérations sportives scolaires. Enfin, certains sports ne bénéficieront pas de cette réforme. En boxe, en parachutisme ou pour la plongée sous-marine, le certificat médical devra toujours être renouvelé chaque année et l'examen sera adapté aux exigences de ces disciplines. En football, les Marseillais étaient sous pression hier soir. Ils ont enfin répondu présent. Ils ont gagné contre Lorient 2-0. Une victoire, la première de la saison qui va offrir un peu de répit à l'OM, Florent Germain. Oui, il faut dire que les banderoles du virage sud avaient de quoi piquer l'orgueil des Marseillais. Deux matchs et vous nous avez déjà mis la haine, un conseil gagné, clamaient par exemple les ultras. Le vélodrome partagé entre défiance et indifférence avec, c'est vrai, une très faible affluence, à peine 26 000 personnes, très rare pour un week-end du mois d'août. Ce succès a donc eu des allures de soulagement pour les amoureux de l'OM, mais aussi pour les buteurs Cabella et Gomis, qui avaient le sourire hier à la sortie du vestiaire. Le vestiaire marseillais qui a même reçu après le match la visite amicale de Margarita Ludreyfus. Le climat pesant lié à la vente et aux rumeurs qui vont avec devrait donc s'apaiser, un peu de sérénité pendant la trêve internationale. Franck Passy va pouvoir apprécier. Pas de vacances pour les médaillés de Rio. 27 d'entre eux se retrouvent ce soir au Stade de France pour le meeting d'athlétisme de Paris. Parmi eux, 5 Français, dont le perchiste Renaud Lavilloni. Le vice-champion olympique, qui avait eu des mots très durs pour le public brésilien, devrait cette fois sauter en terrain conquis. Ça fait toujours plaisir de retrouver ses supporters, de voilà, se faire un bain de foule et d'avoir une ambiance vraiment électrique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être dans le stade pour faire du beau sport et puis juste profiter au maximum de ce beau stade, quoi. Vous écoutez RMC, il est 9h, presque passé de 9 minutes, l'heure de retrouver François Sorel, les experts et les pronostics. Avec un tiers écarté, quinté plus cet après-midi à Deauville, Claire et Sébastien Darras nous conseillent le 13, la Courbette et le 5, Tisvi. Brahim Asloum, lui, nous conseille le 10, Spring Princess. Et Laurent Gueda retient l'As High School Days et le 8, Grit Dora. Nous avons donc le 13, le 5, le 10, l'As et le 8. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC. Bon, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah, fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveauté sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment, en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez, les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Ne ratez pas cette semaine le prix inratable chez U. C'est le lot de deux melons charentais jaunes, calibre 650 à 800 grammes, origine France, à 1 euro seulement. Parfait. 1 euro, les deux savoureux melons. Eh, pour économiser, moi je table sur les prix inratables. J'aime beaucoup celle-là. Soit 50 centimes la pièce vendue au lot, c'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Ah, les chiens et les chats, quel mystère! Saviez-vous que les chats ont le pouvoir de prédire le temps qu'il fera? Et oui, Stéphane! Quel flair! Justement, chez Gamme Vert, pendant les 4 jours coup de patte jusqu'au 27 août, pour deux produits d'alimentation chien ou chat identiques achetés, le deuxième est à moitié prix. Oui, à moitié prix! Gamme Vert, le goût du jardin! Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 9h11, c'est RMC, et c'est le retour du week-end des experts, Christian. Eh oui, nous sommes là, nous sommes toujours de la maison. Toujours bien la sûr. Maison, évidemment. Que vous représentez avec tellement de classe, merci, de professionnalisme, ce rendez-vous dédié à la maison, chaque samedi entre 8 et 10 sur RMC. Depuis quelques années. On peut vous retrouver aussi sur maisonbrico.com. Eh oui, le voilà. Site que j'ai créé, que j'anime, avec beaucoup de fiches pratiques et de vidéos que je fais moi-même. J'en ai même fait un petit peu cet été en vacances, oui. Tiens, dans votre maison de ça se passe, vous avez fait des petites vidéos exemple, comme ça. Oui, oui, voilà. D'accord. Bon, on va aller voir ça. Pour cette dernière partie dédiée à la maison, on a encore une petite heure à passer ensemble. Eh bien, on va s'intéresser à la déco de rentrée, Christian. Voilà, on va parler... Pourquoi pas, tiens, refaire quelques pièces de la maison. Oui, c'est le moment. Souvent, il reste quelques jours de congé et on peut faire un peu de déco dans la maison. Alors, on va parler couleurs, textures, association donc des tonalités. Et puis, on va parler aussi technique, parce que vous savez, dans cette émission, c'est aussi une émission pratique. On va parler préparation des murs, on va parler enduit, on va parler par exemple repeindre un vieux carrelage, c'est une thématique qui intervient souvent. Bref, on va s'intéresser donc à notre intérieur. Nous avons plusieurs invités en studio comme d'habitude. Sophie Mouton-Brice, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes journaliste déco, vous avez officié dans de nombreux supports et vous êtes aujourd'hui conseil en couleurs. C'est le moment, hein, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Bon. Vous allez Sophie, pouvoir... qu'est-ce que vous pensez de la chemise de Christian, puisque vous êtes conseiller en couleurs, ça va ? J'ai pas commencé à me fâcher avec lui première rencontre. Bon. Ça, c'est très joli, Christian. Ah, merci. Merci. Bravo. Merci, oui. C'est très politique, c'est pas ça. Il y en a plusieurs de couleurs. Bien, nous avons aussi avec nous Laurent Mort. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service technique et formation chez Tout Prêt. Donc avec vous, on va parler d'enduit, enduit de préparation, préparation des murs, mais aussi enduit décoratif, puisque c'est une tendance qui se confirme. Fini les. J'en parlais tout à l'heure avec un auditeur. Fini les enduits gras de coude les enduits cirés façon rustique et place à de très beaux enduits et surtout à de très belles textures. Textures soyeuses, textures béton, enfin de tout un tas de possibilités. Valentine Gigi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de produits plaques dans la maison, chez Placoplâtre. Exactement. Vous, on va pouvoir parler ce que représentent aussi aujourd'hui les doublages, c'est-à-dire que la plupart de nos maisons, et notamment des maisons récentes ou de celles qui ont moins de 30 ans, pratiquement les murs, c'est toujours de la plaque de plâtre. C'est peut-être pas toujours du placo, mais c'est toujours de la plaque de plâtre. Donc, avec vous, on va parler des contraintes techniques de la peinture des plaques, des joints, et puis de la nouveauté que vous avez lancée, qui est Ikebana, qui sont les plaques qui sont déjà décorées, prédécorées, et surtout à pose simplifiée. On parlera aussi de peinture technique avec Angelo Bonura au téléphone tout à l'heure, avec Peinture Julien, notamment par exemple pour repeindre un carrelage, et puis on finira avec Cyril Munier de chez Wagner pour parler de l'usage du pistolet. Ah oui, en peinture, en décoration intérieure. Juste une chose, bien évidemment, posez dès maintenant toutes vos questions hein, sur la déco de rentrée. Vous avez envie de repeindre une chambre, vous avez envie de voilà procéder à quelques changements dans votre petit chez vous. Eh bien, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Le 32-16 et nous avons d'ores et déjà Christine. Alors, qui on est là. Dit. Christian, on y va ? Ben, on y va. Allez, bonjour Christine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue Christine. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors voilà, moi j'ai acheté une maison donc il y a un peu plus de 2 ans. Oui. C'est une maison qui a à peu près 12 années. Et depuis quelques mois, je constate que dans les chambres, sur les murs qui sont en placo, la peinture se craquelle et se craquelle de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai laissé passer le temps pour voir si c'était uniquement localisé, mais peu à peu, ce sont tous les murs de ces deux pièces qui se craquellent. Et donc, je peux même enlever, quand je gratte un peu, j'enlève comme ça des... Ah, ça, c'est carrément, quoi. Oui. Ouais. Alors, je vois donc le placo qui est gris dessous. D'accord. Valentine Gigi, là, c'est un cas type. Ça vous concerne directement. Vous êtes dans le bain tout de suite. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il y a donc eu, visiblement, une mauvaise préparation, peut-être de la plaque, ou une absence de préparation, et puis peut-être une incompatibilité de peinture. Quel est votre diagnostic? Exactement. Le diagnostic, premièrement, c'est que, bon, la plaque elle-même, elle est saine. Vous parlez pas d'humidité, entre autres. C'est non, un non, petit j'ai craquement. Fait contrôler l'humidité. Tout à fait. Donc, je dirais que, il n'y a pas besoin dans ce cas-là de changer totalement la plaque. Il faut juste peut-être préparer le support de la plaque pour une nouvelle mise en peinture, une nouvelle décoration. Bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je pense que au moment de la pose de la plaque, on est peut-être allé beaucoup trop vite. On n'a peut-être pas mis une bonne couche d'impression au préalable. Avant de poser la peinture. Alors c'est quoi cette couche d'impression normalement? C'est une couche en fait que l'on va mettre qui va préparer en fait l'adhérence de la peinture sur la plaque. C'est quoi, c'est une peinture diluée? On peut dire ça, oui. Oui. Oui, on peut dire ça. Mais c'est un produit spécifique ou... C'est un produit spécifique. D'accord, c'est pas de la dilution de la peinture. Non, quand... c'est un produit spécifique qu'on va mettre pour préparer la plaque à accepter, on va dire, la peinture. Mais alors, c'est parce que c'était des plaques qui n'étaient... Il y a bien des plaques qui sont prêtes à peindre, il y a non des, il y a des plaques, idéalement, en fait, maintenant c'est un peu tard, c'est au moment de la pose de la plaque, il aurait idéalement fallu choisir des plaques qui sont pré-imprimées, donc qui contiennent déjà cette pré-impression de couches d'impression qui ont facilité ensuite la pose de la peinture. Ou sinon, bon, lorsqu'on le fait pas, c'est tout de même avant de poser la peinture de mettre cette fameuse couche. Cet après, en quelque sorte. Mais rien n'est perdu. Hein. Mais alors oui, rien n'est perdu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour Christine, il faut décaper ses plaques. Il va falloir un petit peu poncer, on va dire les. Ah oui, quand même. Oh, un petit peu, là. Elle est bonne. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a encore des parties de murs qui sont très lisses. Et qui allaient, hein. Voilà. Et je me dis, si je ne décape pas tout, est-ce que cette partie qui ne sera pas décapée ne risque pas dans le temps aussi de craqueler? Non, normalement, il n'y a pas besoin de tout poncer. Il faut, avec un abrasif assez fin, on peut poncer la partie concernée et enduire derrière pour avoir une surface totalement lisse. Alors ça veut dire, attention, vous nous êtes en train de nous dire qu'il va falloir enduire. Oui. Alors, là, on passe. Il va falloir enduire tout le mur. Alors, non, pas tout le mur. Les parties concernées. Laurent Mort de chez Tout Près, quelle est votre position, là? Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle forme ont les fissures sur votre mur? C'est pas des fissures, le craquellement. C'est des écailles. Ce sont des craquellements verticaux. Verticaux. D'accord. Et réguliers, tous les 1m20 ou? Non. Non, c'est pas du là, tout. Là, je voyais, il pensait que ça pouvait être les joints, quoi. L'écollement, mais c'est pas ça. Non, c'est pas sur les joints, justement. Alors là, est-ce que vous avez la solution pour réenduire? Alors, c'est un petit peu comme quand se craquelle, donc on a un plafond qui commence ou même des murs. Moi, j'ai ça chez moi pour tout vous dire. Après un dégât des eaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tout ce qui tient pas et on remet une couche d'enduit? Voilà, on va gratter et poncer effectivement tout ce qui est mal adhérent. Il faudra ensuite réimprimer la totalité et passer une couche ou deux d'enduit, hein, selon l'importance du relief à recouvrir. D'accord. Et ça se lisse facilement à pouvoir remettre en peinture derrière. Ça se lisse facilement, vos enduits, là? Il y a plusieurs types d'enduits. Il y a des enduits qui vont s'appliquer avec des outils traditionnels. c'est un petit peu fastidieux à mettre en œuvre, faut avoir le coup de main. On a également des enduits avec lesquels on vend des systèmes d'outils, donc rouleaux raclette, qui vont permettre de mettre en œuvre facilement sur ce type de support. D'accord, je vais tester ça, tiens, de ces jours. Merci Christine pour votre appel. N'hésitez pas, tout comme Christine, vous voulez poser vos questions, témoigner. On parle justement de la déco de rentrée ce matin. Alors ça va un petit peu plus loin que ça, hein, finalement, hein, parce que l'on se rend compte que c'était un problème. Mais on se rend compte que de toute façon, la préparation évidemment, et la réparation, c'est essentiel, sinon on part dans des galères. 3216, maison@rmc.fr. On est là dans une seconde. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche, dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur la machine à bière Krups 2 litres, soit un bon d'achat de 63,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du lundi 29 août au dimanche 4 septembre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Imaginez si tout était blanc. Mur blanc, sol blanc, meubles blancs, blanc. Quel ennui! Heureusement, chez Saint-Maclou, les couleurs se déclinent partout. Sur les rideaux, papier peint, store, vinyle, moquette, parquet. Et en plus, en ce moment, bénéficiez de 15€ offerts tous les 100€ d'achat. 15€ de remise immédiate tous les 100€ d'achat, jusqu'à lundi seulement, chez Saint-Maclou. Offre valable du 25 au 29 août, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe. Une Dream Team. Oh, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Lundi, LM Lille Métropole présente la 11e édition du Critérium Cycliste, le guidon d'or avec RMC. Dès 14h, des animations non-stop, une épreuve féminine et une rando famille ouverte à tous. À 19h, place au Critérium Professionnel avec en vedette Brian Coca, Adrien Petit et Julien Alaphilippe. Lundi à LM Lille Métropole, c'est la fête du vélo et c'est avec RMC. Carrefour Market. C'est sympa les vacances, on se fait plein de nouveaux copains. Mais du coup pour le dîner, on a deux fois plus d'invités. Vous pouvez compter sur Carrefour Market, Michel. Jusqu'à ce soir, pour deux rôtis de porc longe origine France achetée, le moins cher des deux est offert. Bah vous aussi, vous allez vous faire de nouveaux copains. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la boucherie, crédité sur votre carte de fidélité. Porc longe sans os à rôtir, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Le retour du week-end des experts, c'est la rentrée pour, vous le savez, vos rendez-vous du samedi et du dimanche avec le jardin à la maison le samedi. Et puis demain, dimanche, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. On parlera d'équitation et de Jeux Olympiques notamment et de chauves-souris. Et puis, juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau entre 8h et 10h. Pour l'heure, c'est la maison, c'est la déco de rentrée. C'est la déco de rentrée. Nous sommes avec Valentine Gigi, chef produit plaque chez Plaque au Plâtre, avec Laurent Mort, responsable service technique chez Formation chez Tout Prêt, et puis avec Sophie Mouton-Brice qui est journaliste et qui est conseil en couleurs. Alors, parlez-nous des couleurs. D'abord, c'est quoi les tendances en cette rentrée? Parce que tous les ans, on dit il y a une tendance. Bon, il y a quelques temps, c'était le noir, c'était sympathique, avec du rouge foncé, la heure, on avait peur. Mais donc, ça date. Ça date. Hein. Mais en ce moment, c'est quoi plutôt? Alors, écoutez, Christian, là, les couleurs de l'année qui va venir vont nous être révélées bientôt au salon Maison et Objets. Maison et Objets, mais on peut déjà prédire qu'on va continuer sur notre lancée depuis deux ans. Nous sommes quand même dans le créneau des couleurs des années 50, ces couleurs rétro. Alors en fil de tête, il y a le bleu pan ou le vert pan, ça dépend comment on l'envisage. Il était très présent cet été. Le jaune moutarde qui s'adoucit un petit peu cette année. Et puis on a beaucoup de roses, hein, mais il faut rappeler que le rose quartz était dans la couleur de l'année élue par Pantone, donc on continue vers le rose. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez donner quand même quelques conseils d'association des couleurs, parce que on prend pas n'importe quoi. Quelle est plutôt la tendance ? Est-ce que c'est les complémentarités ? Est-ce que c'est les camailleux, donc les nuances sur une même base ? C'est quoi plutôt ? Alors ça, c'est assez compliqué, parce que d'ailleurs j'en ai fait un métier, hein, le conseil couleur, donc je peux pas. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande. Alors les complémentarités, c'est difficile à jouer quand on est néophyte. Moi, ce que je conseille quand on débute, c'est vraiment le camailleux. Vous avez tout à fait raison. Alors, qu'est-ce que c'est un camailleux ? C'est l'association de couleurs d'une même nuance. Par exemple, je vais dans une pièce utiliser trois bleus différents. Ça marche absolument toujours. Et c'est à la fois spectaculaire et très simple à réaliser. D'accord. Alors, les conseils de base pour agrandir, élargir, réduire les volumes, c'est quoi ? Alors là, c'est assez simple, même si ça n'a pas l'air de prime abord. La peinture, c'est absolument magique pour cela. On peut faire plein de choses avec la couleur. Prenons un couloir, par exemple. Alors, je veux l'allonger ou je l'élargir, par exemple. Alors, vous avez un couloir, par exemple, trop étroit. S'il est trop étroit, ça veut dire qu'il fait à peu près moins d'un mètre de large. Hein. Oui. Vous avez l'impression d'être dans un boyau, en gros. Oui. Hein. Oui. Peut-être ça, que même mine, le plafond vous semble très très haut par rapport à la largeur du couloir. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est utiliser des teintes claires. Ce sont les teintes claires qui vont éclaircir, qui vont élargir une pièce. Surtout pas de teintes sombres quand on veut agrandir une pièce. On aurait l'effet inverse. Ça peut être du blanc. Alors le blanc c'est vraiment basique, mais pourquoi pas. Et on peut utiliser toutes les teintes pastels, c'est-à-dire des bleus clairs, des verts clairs, des roses, des jaunes pâles. Mais attention, il faut quand même pas que ce soit gnangnan. On va rester aussi dans une couleur assez vive. Et si vous avez un problème vraiment de couloir très étroit, vous pouvez rabaisser le plafond en peignant ce plafond avec une couleur plus sombre que le mur. Voilà, comme ça vous avez l'impression que le couloir est rééquilibré en fait. Et le fond ? Le bout du couloir. Alors, si le couloir est trop loin, est beaucoup trop long, vous mettez un fond sombre. Et si vous avez envie de lui donner de la perspective, c'est-à-dire le faire en clair. Et voilà, vous avez tout compris. En gros, pour résumer, les couleurs sombres pour réduire l'espace. Voilà. Et les couleurs claires pour agrandir pour l'espace. Pour aérer, agrandir l'espace, exactement. D'accord. Je vais vous prendre comme assistant, messieurs. J'ai compris. Oui, ça fait plaisir. On voit que vous revenez de vacances. Vous n'êtes pas fatigué. Christian, on revient dans un instant après la météo et les infos. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. On parle de déco de rentrée. Alors profitez-en si vous avez envie justement de vous atteler à quelques petits travaux de rentrée à la maison pour changer un peu votre quotidien. Le 3216 ou bien maison@rmc.fr pour vos questions ou pour témoigner aussi. Tiens, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Aujourd'hui à 14h, les qualifs, et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Vous cherchez toujours à faire des économies à la rentrée ? Jusqu'au 27 septembre, tous les tops de la rentrée sont chez Conforama, comme le lave-linge LG 7 kg à 345,09€ seulement, soit 30% de remise. Si j'étais vous, je chercherais plus, je foncerais. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Bon Zoé, on fait un point sur les courses, t'as ton goûter ? Oui, des Princes de Lu. Et ton petit-déj ? Des Chocapic. Bon bah, je crois qu'on a tout, et en plus, que des marques. Bah oui, Carrefour garantit toute l'année le prix le plus bas sur 500 produits de marque. Avec Carrefour, on commence l'année avec un 20 sur 20 en économie. Pour une bonne année scolaire, Carrefour garantit le prix le plus bas sur 500 produits de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Prince lait chocolat Lu 300 grammes, Chocapic Nestlé 750 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Le zéro, ça vient des Grecs, non ? Mais non, le zéro, c'est les Indiens. Alors, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoutais là ? En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800€. Crédit auto 0%, 2 000€ d'apport pour 10 000€ empruntés, puis 36 mensualités de 277,78€. Montant total du 10 000€, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voire Ford.fr. Intersport. Vous allez adorer la rentrée chez Intersport. En ce moment, les survêtements Adidas Garçon Tasto et Fikimana sont à 24,99€ au lieu de 44,99€, soit 44% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions, dates et listes des magasins participants sur intersport.fr. Tiens, Noël tombe à 26. Ah oui? Oh, et aussi à 27. Vendredi 26 et samedi 27 août, Intermarché vous offre 15 euros en bon d'achat valable sur tout le magasin. Vive l'été chez Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Offre soumise à condition à partir d'un montant d'achat différent selon les magasins participants, voire modalité à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Hors presse, gaz, livre et carburant. C'est l'heure de la météo sur RMC avec vous, Jérémy Soliman. Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, ce samedi sera encore chaud et beau sur la majeure partie du pays, mais la tendance sera désormais à l'apparition des orages. Apparition de quelques nuages entre la Bretagne et l'île de France. Excusez-moi, je vous coupe là, Jérémy, mais il y a quand même une super production aujourd'hui. C'est dingue, hein. Incroyable. On a fait exprès, on a fait péter le budget aujourd'hui. C'est bon. Le budget bruitage. Merci d'ailleurs à Sylvain, notre réalisateur. Apparition de quelques nuages. Donc entre la Bretagne, l'île de France et le nord-est dès ce matin. Nuages pouvant apporter quelques gouttes de pluie très localement dans le nord et le nord-ouest du pays. Au cours de la journée, les nuages se déplaceront vers l'est et pourront donner localement quelques orages mêlant pluie et grêle cet après-midi. On attend ces averses orageuses par exemple en Normandie ou encore entre la Champagne et la frontière belge. Il va faire encore très chaud, donc aujourd'hui la vigilance orange canicule est maintenue dans 43 départements. Les minimales sont déjà élevées, comprises entre 14 et 18 degrés près de la Manche. Sur le reste du pays, il fait actuellement entre 17 et 22 degrés. Cet après-midi, nouvelle hausse des températures par l'ouest, 32 à 36 degrés attendus sur la plupart des régions, localement même 37 et 38 degrés. On devrait atteindre les 30 à Ajaccio, 31 degrés à Marseille, 35 à Paris et Lyon, 36 à Strasbourg et 37 à Bordeaux. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. C'est RMC, il est 9h30. Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Légiférer ou ne pas légiférer, telle est désormais la question. Après la décision hier du Conseil d'État, les sages ont décidé d'invalider l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet. Une décision qui devrait faire jurisprudence pour la trentaine de communes qui avaient pris des arrêtés similaires. Mais le Premier ministre estime que le débat est loin d'être clos. Par ailleurs, les Républicains qui soutiennent Nicolas Sarkozy veulent déposer une proposition de loi dès septembre. Lui refuse une loi de circonstance sur le burkini. Alain Juppé fait sa rentrée politique ce soir à Chatou, en région parisienne. À l'occasion d'un meeting, il exposera quel est son modèle de société. Ce samedi sera le pire jour de canicule de la semaine. 43 départements restent en alerte orange. Ce sera également très coloré sur les routes. Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des retours et orange dans celui des départs dans le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. Un lait au goût plus amer que jamais. Les agriculteurs abandonnent de Guerlas. La FDSEA de Mayenne a appelé les éleveurs à cesser leur mouvement devant l'intransigeance de Lactalis. Les négociations ont une nouvelle fois échoué hier soir. Deux Marocains radicalisés expulsés hier de la France vers leur pays d'origine. 6 expulsions de ce type ont eu lieu depuis début août et 15 depuis le début de l'année. En Italie, les obsèques d'une trentaine de victimes du séisme de mercredi, célébrées aujourd'hui en présence de Matteo Renzi et du chef de l'État italien. Aujourd'hui, les drapeaux seront en berne dans tout le pays. En football, les Marseillais ont enfin lancé leur saison. Victoire de l'OM hier au stade Vélodrome, 2-0 face à Lorient. But de Gabella et de Gomis. Et puis aujourd'hui, suite de la troisième journée de Ligue 1, Caen reçoit Bastia, Angers se déplace à Metz, Montpellier joue à domicile contre Rennes, Nancy accueille Guingamp et enfin Nice affronte Lille. En Formule 1, qualification cet après-midi pour le Grand Prix de Belgique. Départ à 14h. RMC 9h32, l'heure de retrouver François Sorel. Merci beaucoup Claire. Et on vous retrouve demain, bien sûr, demain dimanche, dès 6h sur RMC. Et je suis aux côtés de Christian Pessé, vous le savez, qui m'accompagne jusqu'à 10h comme chaque samedi. Bricolage maison déco, à tout de suite. On revient dans un instant. RMC. RMC sur votre iPhone, c'est possible. Téléchargez tout de suite l'appli RMC. Christian Pessé. Oui, François Sorel. Attention. Oui. Là, je prends un ton grave. J'ai vu. Exprès. C'est l'heure de la question flash. Allez-y. En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Paul. Notre maison est construite sur un sol argileux. Question. Et comme la sécheresse et la chaleur s'intensifient, nous sommes très inquiets quant au risque de fissuration. Eh oui, il a raison, Paul. Peut-on les empêcher? Et si la maison se fissure plus tard, que faut-il faire? Eh bien, la fissuration des maisons qui ont été construites sur sol argileux, ça résulte du mouvement, des mouvements du sol. Il y a d'abord le retrait lorsque ça sèche et on voit l'apparition de premières fissures du fait de la sécheresse et de la dessiccation du sol. Et puis ensuite, on a, lorsque l'eau revient, si j'ose dire, lorsqu'il y a des pluies, on a un gonflement et là, on a une aggravation des fissures qui ont souvent été constatées lors du retrait, lorsque le sol, eh bien, se gorge d'eau. l'eau, eh bien les argiles gonflent. Et c'est ce phénomène qui entraîne la fissuration des maisons, qui peut être cette fissuration impressionnante. Alors les mesures préventives, eh bien, se font à la construction, par l'adaptation des fondations. Après une étude de sol sérieuse, on peut faire une rigidification de la construction par chaînage et par liaisonnement des murs porteurs. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités d'aménagement extérieur, ultérieur, pour prévenir ce phénomène? Eh bien oui, un drainage périphérique pour éviter une hydratation trop importante du sol, la construction d'un trottoir étanche sur au moins 1,50 m de large autour de la maison pour éviter que les fondations soient trop affectées par des eaux de ruissellement. Et puis, il y a aussi le fait d'éloigner de la maison les végétations de type des grands arbres, des choses comme ça. Voilà, et puis il faudra faire une déclaration à son assurance si la commune est classée en catastrophe naturelle. Le 32-16 pour toutes vos questions, bricolage Maison Déco sur RMC. On vous attend les amis, on est là jusqu'à 10h. A tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Jusqu'à 10h sur RMC, c'est le week-end des experts et c'est la maison. Et à partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport comme chaque samedi et dimanche. On est ravis de vous retrouver, c'est la rentrée aussi pour le week-end des experts. Demain, nous serons là avec Laetitia Barlerin pour les animaux des 6h. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Mais dans l'immédiat, c'est un spécial déco de rentrée qu'on vous propose avec Christian, voilà, et nos invités. Spécial rentrée avec un certain nombre d'invités en studio et notamment Valentine Gigi, chef de produits plaques dans la maison chez Placo Plâtre. On a parlé tout à l'heure de la préparation des plaques de plâtre avant peinture. Malheureusement, là, c'était après peinture puisque ça n'avait pas été fait suffisamment tôt. Malgré tout, dans le cadre de ces maisons qui sont avec de la plaque de plâtre comme doublage muraux, il y a quand même un problème général, c'est celui des joints. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Valentine, ce qu'il faut faire pour éviter que les joints ne se fissurent et réapparaissent tous les 1m20, qui est la largeur des plaques, après par exemple une mise en peinture ou voire du papier peint? Déjà, je pense qu'il faut rester zen, parce que c'est quand même souvent un point de crispation, joints pour nos bricoleurs. Alors, ça se fait comment, hein, ça se fait. Bon, tout d'abord, il va entre les deux plaques et ce bord aminci qui est fait exprès justement pour faciliter. Pour faire une gorge, en quelque sorte. Exactement. On va devoir remplir cette gorge. On va d'abord mettre une bande de papier. Et ensuite, remplir. Un calico. Voilà, un calico. Oui. Je voulais pas citer de marque, mais. Oui, moi, je vois une marque, François, calico. Non, c'est pas moi, un calico. Ouais. Et ensuite, remplir ce trou avec un premier enduit. Donc, on va le faire on va lisser au maximum, cette bande. Et ce que je conseille, il y en a beaucoup qui le font pas, c'est de finir en fait ce joint avec un enduit de finition, tout simplement, qui va pouvoir lisser au maximum la plaque pour avoir quelque chose plus facile. C'est là qu'on aura du tout prêt, quoi. Hein, tout à fait. Donc on fait quoi? On force en quelque sorte avec le couteau de peintre pour bien remplir l'enduit, c'est ça? Alors en fait, quand on a les plaques qui sont posées, on va déjà garnir le joint avec l'enduit pour coller les bandes. Noyer le calico dans l'enduit, ou la bande à joint en fait, en papier dans l'enduit, la recouvrir une première fois d'enduit, laisser sécher et la redoubler avec le même enduit, pour complètement masquer la bande et poncer. Alors le ponçage, ça n'existe plus avec un nouveau type de plaque. Vous pouvez nous parler, Valentine, d'Ikebana, c'est quoi? Ce sont les plaques prédécorées. Je parlais tout à l'heure de la crispation du joint, donc on a trouvé une solution qui. C'est plus de faire de joint, tout simplement. Donc avec une nouvelle solution Ikebana, en fait, qui est une plaque qui intègre directement la finition, en fait, la décoration. Il y a juste à poser bien sûr les ossatures comme d'habitude, mettre un adhésif, puisque la mise en œuvre est aussi innovante, puisque c'est un adhésif double. Et simplifié. Voilà, et innovante et simplifiée. On est quand même sur ossature métallique. On est quand même sur ossature métallique. D'accord. Donc on a une ossature du biface adhésif On pose sa plaque. Et on pose, et c'est fini. Il y a plus de joint à faire, il y a plus de peinture, ni de ponçage, ni de préparation, et c'est fini. Dans la journée, on peut remettre ses meubles et vaguer à d'autres occupations. Alors, mais comment on peut être sûr que trouver des couleurs qui plaisent? Ah, bah, c'est encore mieux, puisque on a eu la chance de travailler avec des experts coloristes comme Sophie, puisque on a dans cette gamme aujourd'hui plus d'une soixantaine de couleurs et motifs, donc normalement, On devrait trouver son bonheur. Exactement. Enfin, faut être clair, c'est quand même beaucoup plus cher que de la plaque et de le peindre soi-même derrière. Non, faut pas le comparer à une plaque standard. Encore une fois, je vous disais que ça intègre directement la décoration et la finition. Donc, on gagne cette étape. Et on gagne aussi beaucoup de zénitude. D'accord. Ça n'a pas de prix. Et au niveau des angles, parce qu'on dit, on n'a pas toujours des multiples d'1,20 m en largeur. Faut quand même scier sa plaque, là où la. On peut la scier et, il y a des solutions pour pouvoir finir proprement le mur. C'est quoi? C'est des baguettes? Des choses comme ça? Il y a des baguettes. Bien sûr, il y a un calepinage. Faut pas partir à tout va. Il faut qu'il y ait quand même un calepinage. Calepinage, c'est-à-dire un calcul d'implantation. D'implantation à faire. Mais ce type de découpe n'est pas du tout un problème. Avec une petite baguette, la couleur du mur que l'on veut faire, on intègre la décoration sans souci. Ces plaques, on va les trouver en grande distribution? On va les trouver chez certains négoces. Vous pouvez, sur le site ikebana.fr, vous trouverez le point de vente le plus proche de chez vous. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller pour notamment avoir, pour mieux voir un peu ce produit et savoir où le trouver. Moi, ce qui me semble surtout révolutionnaire dans tout ça, c'est la pose. Hein. Exactement. La pose, ne plus avoir à effectivement faire des perçages pour fixer sa plaque, reboucher les vis. Mais attention, ça ne marche que pour les parois verticales, hein, ça marche pas pour les rampants. Oui, ça marche pas pour les rampants et c'est voilà, et c'est ni un les plafonds, adhésif, évidemment. C'est un adhésif qui a été spécialement conçu pour ce produit, donc qui tient bien. Eliane est avec nous. Et nous l'accueillons tout de suite. Bonjour Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Eliane? Eh ben voilà, j'ai une pièce à refaire. Nous avions mis du papier enduit de tissu. Alors Eliane, je vous arrête deux secondes, il faut couper la radio derrière vous. Ah oui, alors voilà. Attendez, ça, je coupe la radio. Coupez la radio. Vous posez le téléphone, vous allez de l'autre côté de votre appartement qui fait 380 mètres carrés, vous coupez la radio et là vous revenez et on devrait vous avoir au téléphone. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut alors attendez, je vous interromps deux secondes pour avoir bien la précision. Vous nous dites que vous avez du tissu qui était sur support papier, c'est ça? Voilà. D'accord. C'est cela. Donc, il y a des aspérités un petit peu plus prononcées d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et bon, ben, j'ai 80 ans. Jusqu'à présent, c'était avec mon mari que nous faisions nos travaux, mais maintenant, ça n'est plus possible. Mais j'aurais voulu savoir si c'était, nous était possible, bien entendu, avec un peu plus de facilité, de recouvrir ce papier ou alors s'il faut vraiment l'arracher. Eh non, mais je pense que Sophie qui opine du chef en me regardant, ben je suis navré pour vous, Eliane, mais je suis vraiment désolée pour vous, Eliane, mais vous allez être obligée de tout arracher. Eh oui. Il n'y a pas d'autre solution malheureusement pour ensuite avoir un mur sain et prêt à accueillir autre chose, que ce soit une peinture ou un papier peint. Surtout que vous avez un complexe, si j'ose dire, non pas vous personnellement, mais vous avez un papier plus un tissu. Vous auriez eu un papier fin. On aurait pu dire, à la limite, on repose du papier sur le papier et encore. En espérant qu'il ne cloque pas. Mais là, vous n'avez pas d'autre solution. C'est pas possible. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais de mettre un enduit dessus. Ça serait. Il va effectivement falloir décoller le faut papier. Il faut tout décoller, il faut tout arracher. Ouais. Imprimer pour bloquer la colle, c'est un des soucis classiques. Oui. On remet de l'enduit sur une ancienne colle papier peint, ça détrempe la colle et on a des cloques. Donc, il va falloir imprimer la colle. Alors attention, vous avez peut-être un produit qui, parce qu'on faisait ça il y a une trentaine d'années, qui est peut-être ce qu'on appelle stripable, j'en parlais encore tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est peut-être fait pour que lorsque vous allez l'arracher, peut-être qu'en l'arrachant à sec, vous allez avoir la possibilité... Comme un autocollant, quoi. Ça existe, et ça fait une sorte de papier d'après en dessous. Mais avec le temps, ça risque de pelucher, de faire des choses pas terribles. Navré, Eliane, il faut décoller. Bon courage. C'est ce que dit souvent le commandant de bord. Bien sûr. Aussi. Mais bon, dans un autre contexte. Tout à fait. Au toboggan. Il est 10h moins le quart. Oui. On revient dans un instant, Christian. Ah oui. Et on va parler de peinture. Vous savez qu'il existe aujourd'hui un truc génial, c'est le piste de la peinture. On va en parler dans un instant. Et puis on va parler aussi des peintures techniques, c'est-à-dire toutes ces peintures spécifiques pour des cas particuliers. On va voir qu'il y a eu des recherches étonnantes de faites sur le sujet. Et le 32-16 à votre disposition, maison@rmc.fr. On parle de déco de rentrée ce matin dans ce week-end des experts. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Oh, ne ratez pas cette semaine le prix inratable chez U. C'est le lot de deux melons charentais jaunes, calibre 650 à 800 grammes, origine France, à 1 euro seulement. Parfait. 1 euro, les deux savoureux melons. Eh, pour économiser, moi je table sur les prix inratables. J'aime beaucoup celle-là. Soit 50 centimes la pièce vendue au lot, c'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Slip de bain, check. L'écran Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi ? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial. Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a ? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah, fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert ? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Avec RMC, le Red Star poursuit sa saison au stade Jean-Bouin à Paris. Aujourd'hui, à 15h, le Red Star reçoit Le Havre pour la cinquième journée de Domino's League 2. Assistez à ce choc entre deux clubs historiques du football français. Les Verts et Blancs comptent sur vous pour accrocher la victoire. Rendez-vous au stade Jean-Bouin aujourd'hui à 15h pour supporter l'étoile rouge contre Le Havre. Billets en vente à partir de 10 euros sur place et sur le site billetterie.redstar.fr avec RMC. Carrefour Market. C'est sympa, les vacances, on se fait plein de nouveaux copains. Mais du coup, pour le dîner, on a deux fois plus d'invités. Vous pouvez compter sur Carrefour Market, Michel. Jusqu'à ce soir, pour deux rôtis de porc longe origine France achetée, le moins cher des deux est offert. Bah vous aussi, vous allez vous faire de nouveaux copains. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la boucherie, crédité sur votre carte de fidélité. Porc longe sans os à rôtir, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 9h46, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison, c'est la déco de rentrée avec nos invités. Christian, oui. On va parler peinture. On parle peinture avec nos invités coloristes, spécialistes de l'enduit, spécialistes de la plaque de plâtre. Et on va parler maintenant peinture technique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la peinture technique ? Alors, on a Angelo Bonura qui est au téléphone, formateur grand public chez Peinture Julien et du Luxe Valentine. Bonjour Angelo. Bonjour à tous. Alors, les peintures techniques, c'est vrai que la marque Peinture Julien est référente en la matière. C'est aussi bien des peintures pour peindre des conduits de fumée, des tuyaux de poêle que des meubles de jardin ou ce que j'évoquais tout à l'heure, peindre du carrelage, par exemple, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une gamme très complète, donc qui va être appliquée sur un ensemble de supports, dont notamment, comme vous avez cité, les peintures carrelage. On va dire donc les supports difficiles. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui fait la différence de ces peintures ? C'est quoi ? C'est des additifs ? C'est surtout la qualité des résines. Les résines. Voilà, qui donnent une adhérence, un accrochage meilleur par rapport à des peintures traditionnelles, on va dire. Alors, pour ces fameuses peintures carrelage, parce que souvent on me pose la question, et ma réponse, elle est généralement de dire que sur une surface verticale, pas de problème, sur une paillasse horizontale, c'est un peu plus compliqué, et sur le sol, ça marche pas. Pas pour les peintures carrelage, non, il faut prendre des peintures spécifiques pour le sol. D'accord. Donc, alors, peinture carrelage, je veux repeindre les carrelages de ma salle de bain orange années 70 ou rose bonbon années 80. Ça m'étonne qu'est-ce pas, que je hein, fais cette question. Alors, oui, il y a qu'un achat smise. Déjà, repeindre son carrelage, c'est plus économique par rapport à casser le carrelage. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez une sous-couche spécifique carrelage que nous trouvons chez Julien, évidemment. Oui. Et ensuite, vous mettez une peinture qui s'applique dans les pièces humides. Oui. Donc, notamment une peinture cuisine et salle de bain, qu'on trouve également dans la marque du Luxe Valentine ou dans d'autres marques, mais surtout dans cette marque-là. Donc ça, c'est la solution classique. Voilà. On va dire une couche de préparation plus n'importe quelle peinture. Mais sinon, il y a des peintures spécifiques peinture qui marchent. Une pièce humide, tout de même. Oui, d'accord. Et ensuite, il y a des peintures directes qui oui. fonctionnent et qui ne sont pas forcément des résines. Si, ce sont des résines. Alors, ce sont également des produits techniques, comme vous avez appelé des produits techniques. Ce sont des produits qu'on appelle deux en un. C'est-à-dire qu'ils s'appliquent directement sans sous-couche. D'accord. Qui font sous-couche et finition à la fois. Donc, c'est ça, des peintures techniques. Donc, c'est un gain de temps pour le consommateur. Qui lui évite d'appliquer une sous-couche. Il y a quand même une préparation du carrelage, non? Il faut au moins le nettoyer ou l'égrainer. Dans tous les cas de figure, il faut lessiver un peu pour enlever les résidus de graisse, de moisissure, oui. et ensuite laisser sécher, rincer, laisser sécher, et aussi, comme vous avez dit, un léger ponçage. Un léger ponçage. Voilà. Ok, merci, merci Angelo Bonurat de chez Peinture Julien. Je vous en prie. Merci. Et nous avons aussi au revoir, qui nous attend, Cyril Munier. Bonjour, bonjour Cyril. Oui, bonjour Christian. Alors, vous êtes responsable commercial chez Wagner. On me pose souvent la question, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut utiliser un pistolet en intérieur? Est-ce que ça n'en met pas partout? Est-ce que ça brumise pas partout? Quelles sont les solutions? Est-ce que c'est facile à utiliser? Oui, au pistolet à peinture, il y a effectivement un léger effet de brouillard, faut pas le nier. Donc il sera quand même important de protéger et de bâcher les sols, mais le gros avantage d'un pistolet à peinture, vous pouvez effectivement peindre à l'intérieur et vous allez gagner un temps précieux et vous allez aller à peu près 4 à 5 fois plus vite qu'avec un pinceau ou un rouleau et surtout vous allez avoir une qualité de finition parfaite parce que vous n'allez pas avoir d'effet de frottement au pistolet contrairement à un rouleau. Et on utilisera moins de peinture en plus. En moyenne, on économise à peu près 20% de peinture. Et ce qui est très important aujourd'hui pour se faciliter l'application au pistolet, maintenant dans la gamme Wagner, on a des pistolets qui permettent d'appliquer les peintures sans dilution. Oui, j'allais vous poser cette question parce que la dilution avec le petit entonnoir, là, c'est une catastrophe. Oui, effectivement, mais ça, c'est du passé. Maintenant, on a adapté les moteurs, notamment dans la gamme Universal Sprayer, où vous allez pouvoir donc pulvériser sans diluer. On va bien mélanger, par contre, avec un mélangeur ou une perceuse, mais on va pouvoir pulvériser les crèmes de peinture, les monocouches, sans avoir besoin de les diluer. Mais alors, Christian, juste parce que bon, moi, je connais pas trop ce système-là. Comment ça se présente? Vous avez donc une espèce de pistolet qui est branché quoi? Une espèce de réservoir? Comment ça marche? Le réservoir, il est sur le pistolet. Le réservoir est sur le pistolet. Voilà, plus communément, on va appeler ça de la basse pression. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un moteur d'aspirateur qui va pulvériser l'air, et cet air va simplement amener la peinture sur votre support, en fait. D'accord. C'est de l'air légèrement réchauffé, non? Oui, c'est l'air par frottement le long du tuyau va se réchauffe, mais ça a l'avantage effectivement d'améliorer la fluidité de la peinture. D'accord. Mais surtout, ça va sécher aussi en même temps que l'on peint. Et vous imaginez un jet de peinture entouré par de l'air. Bien sûr. C'est pour ça, pour répondre à votre question initiale, il y a peu d'effets de brouillard. Je peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu parce que l'air évite à la peinture de retomber. D'accord. Mais alors pour le plafond, parce que quand on peint un mur, on comprend bien qu'on va pouvoir avoir son pistolet vertical par rapport au mur, mais avec un gonnet, qu'est-ce qu'on fait? On prend toute la peinture sur la tête? Non, alors ce qui est important quand on va peindre au pistolet à peinture, déjà à l'intérieur du gobelet, vous avez un petit tube qui vient prendre la peinture. Ce tube, il faudra bien entendu l'orienter vers le bas pour prendre la peinture qui sera dans le bas du gobelet. Et donc, après, il suffit simplement d'être vraiment à 90 degrés par rapport à votre plafond. Ah, c'est carrément 90 degrés, complètement. Oui, vous pouvez incliner le pistolet directement en face du plafond. Et notamment dans la gamme Wagner, on a aussi tout un tas d'accessoires qui vont vous faciliter les choses. On a notamment une rallonge qui fait 60 cm et qui va vous permettre de pouvoir marcher. Vous n'avez plus besoin de monter sur un escabeau. Vous allez pouvoir peindre vos plafonds, un plafond de taille standard à 2,50 m, sans avoir besoin de monter sur un escabeau. Juste une question concernant l'apprentissage de la peinture au pistolet. Il faut combien de temps pour maîtriser le système et pas en mettre partout? Il faut à peu près 5 minutes. C'est-à-dire il faut simplement s'exercer 5 minutes sur un petit bout de carton. On a tout un tas de vidéos, notamment sur notre site internet. Où il y en a une excellente sur Maison Bricot aussi. Exactement. qui est un peu moins bien que les vôtres. Alors, je disais tout à l'heure que le secret, c'était de bloquer le poignet pour ne pas faire de rotation lorsqu'on peint. Vous serez d'accord, je pense. C'est ça, exactement. Il faut éviter de mettre des coups de poignet. Il faut rester à la même distance du support de manière à être régulier. Et en fin de compte, vous imaginez, on a une petite vis de réglage qui permet de régler le débit de peinture, comme sur un robinet. Et donc, une fois que vous avez réglé ce débit, vous allez simplement bouger le bras à la même vitesse de gauche à droite et de haut en bas, parce qu'on va pouvoir adapter la forme du jet, un jet vertical ou horizontal, comme avec un rouleau. Vous savez, on fait une passe dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Merci Cyril Munier. Je rappelle, vous êtes responsable commercial chez Wagner. Voilà, ça peut aussi servir pour tous ceux qui ont envie de faire du paintball, une partie de paintball, ça peut être sympa, c'est de la peinture. Ok. Christian. Oui, merci Sophie Mouton-Ris, merci Laurent Mort de chez Tout Prêt. Merci. Et donc Valentine Gigi de chez Placoplate. Christian, on se retrouve bien sûr samedi prochain. Et dans un instant, Serge Simon, Christophe Cessieux, ils seront là pour les GG du sport. Salut Serge. Salut François, salut Christian, comment ça va les amis? Ça va bien, bonne rentrée mon Sergio. Oui, enfin on était là quand même tout le mois d'août hein, les amis. Hein. Oui, bon, on a fait les JO. J'ai écouté, je t'ai pas entendu. Il y avait c'est du sûr sport. Là je parlais tout doucement. Ah, c'est pour ça. Tu parlais de ton transat. Mon transit, pas du tout. Non, tu vois, je parlais pas assez fort. C'est ça. Bon, tout va bien, Serge. Oui, tout va bien. Content de cette rentrée des grandes gueules du sport, même si elles ont un petit peu perduré pendant les JO. Mais là, avec Christophe, on reforme le duo tant attendu qui n'a d'égal que vous, mais on est très loin derrière, évidemment. Mais vous savez bien. Vous êtes un peu le Peter et Sloan de la radio. Oui, c'est ça. Et vous, le Stone et Chardin. Oui, c'est vrai. Je prends Chardin. Personnellement, hein. Tout de suite, sans hésitation. Serge, on se retrouve dans un instant pour les GG du sport. Excellent week-end. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche dès 6h avec Laetitia Barberin et Jean-Luc Moreau. Salut à tous. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le soir, dès 20h, c'est Manu & Coach, le show foot le plus chaud de la radio. Salut, c'est Manu Petit sur RMC. Avec Coach Courbis, j'essaierai de me tenir tranquille. Mais vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Deux caractères bien trempés, deux visions du football, deux montagnes d'expérience. Manu & Coach, Coach Courbis, Emmanuel Petit, c'est dès mardi à 20h sur RMC. Intermarché s'engage. Le lot de deux melons charentais jaunes les moins chers de France est à 1,38€. 1,38€ les deux melons. Mais c'est jusqu'à demain. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, soit 69 centimes la pièce au lot. Calibre 800-950, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Modalité et liste des magasins participants sur intermarché.com. Le zéro, ça vient des Grecs, non? Mais non, le zéro, c'est les Indiens. Alors, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoutais là? En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 € coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Intersport. Paul, quand on aura des enfants, tu crois qu'ils feront du sport le mercredi? Ah ouais, notre garçon fera de la natation. Notre fille. Garçon. Chez Intersport, le maillot pour fille est à 15,99 €. Bon d'accord, une fille. Voilà. En ce moment, chez Intersport, le maillot de bain une pièce fille Speedo est à 15,99 € au lieu de 25,99 €, soit 38% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable sur la référence 533 à 715 dans la limite des stocks disponibles. Conditions, date et liste des magasins participants sur intersport.fr. Ah, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche, dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur la TV LED 140 Panasonic, écran 55 pouces Full HD, soit un bon d'achat de 258 €. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du lundi 29 août au dimanche 4 septembre. Pour ne rien rater sur le mercato, allez sur lebisport.com. Interviews, coulisses, informations exclusives. Pour tout savoir sur les transferts et l'actualité du sport, rendez-vous sur lebisport. Vivez vos émotions à 100% en pariant sur l'application PMU Hippique quand vous voulez, où vous voulez. Retrouvez toute l'information hippique et les courses en direct à télécharger maintenant sur votre mobile. PMU, on parie que vous allez gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. Dans quelques instants, les informations. Il fait très chaud, c'est un des derniers week-ends pour profiter de la plage. Un petit tour du côté de la météo des plages par Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour Serge, bonjour à tous. Eh bien, comme un air de vacances qui continue et qui se poursuit aujourd'hui. Sur les plages, on va avoir du soleil, sauf sur le littoral de la Manche. Et oui, de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, eh bien, on va retrouver un mélange d'averses orageuses et d'éclaircies. Mais la mer, globalement, sera calme et surtout fraîche, comprise entre 16 et 20 degrés. Il fera par exemple à Cherbourg 18 degrés dans l'eau et 24 dans l'air aujourd'hui. Sur les plages de la façade atlantique, soleil radieux et des températures qui grimpent entre 26 et 35 degrés sur la Serviette. Dans l'eau, il fera un petit peu plus frais, entre 18 et 22 degrés. Par exemple à Lacanau, et bien sur la plage, vous pourrez lézarder sous un beau soleil et 35 degrés. Et si vous décidez de piquer une tête, et bien l'eau ne sera qu'à 21. En Méditerranée et en Corse, toujours du soleil, mais les températures sur la plage seront un petit peu plus fraîches que sur la façade atlantique, entre 27 et 31 degrés. L'eau par contre sera bonne, entre 22 et 25. Ailleurs, par exemple, vous aurez 31 degrés les pieds dans le sable et 25 la tête sous l'eau. Si vous n'êtes pas à la plage, vous êtes peut-être sur les routes. Un point sur le trafic routier avec Jean-Baptiste Berchez. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Il va faire très chaud aujourd'hui, mais c'est la fin des vacances pour beaucoup de monde. Vous serez nombreux sur les routes. C'est classé rouge partout en France, orange dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Pour l'instant, ça roule, mais les grands axes du sud devraient très vite se charger, notamment l'A7 entre Marseille et Lyon, l'A61 entre Montpellier et Toulouse. Contournez si possible dès ce matin les grandes agglomérations telles que Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Et à partir de 15h, ça va se compliquer plus au nord, autour de Tours, Orléans et Paris, l'A10, l'A118 et l'A6, au moins jusqu'à 21h. En ce moment, entre Blois et Orléans, ça se bouscule. Une heure de ralentissement qui vient de nous être signalée par la communauté Coyote. C'est sur l'A10, conséquence d'un accident de poids lourd qui vient de se dérouler sur l'A71 dans le sens Vierzon-Bourges au kilomètre 194. Prudence, n'oubliez pas de faire une pause toutes les deux heures. Très bonne route, votre infotrafic c'est jusqu'à 18h sur RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Belgique. 16h, football anglais, les matchs de Première Ligue. 17h, athlétisme, le meeting de Paris. Et football Ligue 1, Dijon-Lyon, suivi à 20h des autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans quelques instants, les grandes gueules du sport, présentées par Christophe Cessieux et moi-même, vous amènent pour 3 heures de débat. Mais tout de suite, le journal présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. Nouvelle journée de canicule, 43 départements en vigilance orange à la chaleur. Cette alerte concerne les départements qui vont de la Charente à la Moselle en passant par les Landes et la Gironde. Le thermomètre qui devrait grimper jusqu'à 36 degrés à Metz ou encore à Strasbourg. La chaleur qui ne fait pas l'affaire des automobilistes sur la route du retour. Pierre Chasseret, responsable de l'association 40 millions d'automobilistes, nous donne quelques conseils pour éviter d'avoir trop chaud en voiture. Le premier conseil, c'est évidemment la climatisation. Il faut savoir qu'elle est efficace lorsque les gaz ont été relativement bien rechargés. S'il n'y a plus de gaz, il peut y avoir une panne, celle du compresseur de climatisation sur la route. C'est plus de 1 000 euros la plupart du temps de réparation sur le véhicule. La bonne idée, évidemment,